Bienvenue au Geek Collectif, épisode 16. On est le 2 mai 2013 en enregistrement. Vous êtes probablement le 6 mai 2013. Et plus. Et plus, peut-être. Hein? On va voir, ouais, ça dépend. Ouais, c'est intemporel. Comment allez-vous? Bien, bien. Ça va bien. Ça va bien, ouais. Oui. Juste bien de même. Je suis intemporel. Aidez-moi pas non plus. Hein, ça pourrait aller mieux, mais ça va juste bien normal. Tu viens de me donner du jus, là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il fait beau, ça va bien, tu sais. Je sais pas, je pourrais gagner à la loterie, ça pourrait être le fun. Mais non. C'est un fait, ça te fait de l'argent à dépenser à Comic-Con. Oui, ça serait le fun la semaine prochaine. Ouais. On pourrait y aller en limousine. Ouais. Ça dépend combien je gagnerais. En hélicoptère, mais si tu gagnes 30 millions, ils vont en hélicoptère. T'as tout le temps le moyen d'exagérer. Mais là, 30 millions. Ouais, ok, on a-tu parlé de 30 millions? Non, mais es-tu obligé de toutes les flober la même journée, les 30 millions? Non, mais quand tu gagnes 30 millions, tu donnes 1 million de loose, puis le reste, tu le places. Mais 1 million, tu fais les flots. 1 million d'hélicoptères, first day, bang. Ah ouais. Fait qu'un million d'hélicoptères, c'est quoi? C'est deux hélicoptères? Pas, tu restes dans les airs, juste pour pas gaspiller du gaz. Là, puis... pour survoler Ottawa, on s'entend. Ouais, partout, aller-retour. OK, c'est bien, c'est bien. On va au dépanneur en hélicoptère. Ouais, ça rend du weird. Là. Ben, je pense que ça se fait. T'as qu'à flouber, tu sais. Ouais. C'est comme dans Grand Theft Auto. C'est génial. Ouais. Ouais. C'est pas malaisant pantoute comme introduction. Pas du tout. Non, il n'y a pas de silence, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine dans votre actualité? Je peux commencer avec mon actualité. Tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens maintenant. J'ai, mais en fait, c'est une série que je suis depuis longtemps. Il y a environ peut-être quasiment 20 ans, peut-être 15 ans, non pas 20 ans. 10-15 ans, ils ont sorti, Berserk. Je parlais de Berserk, ça va bien aller, commencer par ça. Le manga roule depuis justement, je pense, 15-20 ans que ça roule. Okay. Berserk, c'est très vieux. Puis l'écrivain, il sort un chapitre aux 6 mois, 1 an. Puis. Ah, Michel trouve ça drôle. Excuse-moi, tu viens de dire quelque chose qui roule depuis 20 ans et très vieux. Ah, c'est vrai. Avec un gars de 40 ans à côté de toi. Fait que je peux juste. Non, mais. Puis caler ma bière. En passant, on a Michel. Effectivement. Ben là, c'est parce que je pensais pouvoir l'amener subtilement pour faire un big surprise après. Mais c'est-à-dire qu'il pourra parler du podcast. Est-ce que t'as qu'on parle de lui? Ben non, mais en fait, je pensais juste te laisser finir puis l'amener. Tu sais, changer la dynamique de l'épisode. Les gens qui sont super incorporés. On va incorporer Michel tout de suite avec nous autres. Michel Lacombe. Bonjour, je suis Michel Lacombe, puis je m'excuse beaucoup, j'ai interrompu Mélanie en partant à elle. Elle devrait continuer à parler de Berserk. Il devrait avoir honte de venir sur un podcast puis parler. Ben, j'ai essayé de partir à rire en silence, mais je pouvais pas partir à rire invisiblement. Fait que Michel, t'es venu avec nous autres dans le fond cette semaine pour interrompre Mélanie, puis pour nous aider à parler de bande dessinée. Je vais laisser Mélanie parler de bande dessinée quand même. Je me sens vraiment super japonaise. Mal présentement. Non, on va finir notre actualité. Toi, si c'était pas toi, c'était Milter. Ouais, c'est ça. Ça fait juste changement. On veut que tu te mêles à nous autres s'il y a de quoi. Gêne-toi pas là, pour interrompre quelqu'un. Rick, mais non. Exactement. Un commentaire. Oh, t'as droit. Fait que Berserk, v'là très longtemps, v'là 15 ans. Dans une galaxie fort lointaine. Non, mais parce que c'est vrai que ça roule depuis très longtemps, Berserk. Je ne peux pas dire les dates, puis je ne vais pas en dire non plus pour m'attirer la foudre de fans. Mais non, c'est ça, ça roule depuis très longtemps. Puis bon, ils ont fait un anime... pourquoi tu ris, toi? Mais parce que tu dis très longtemps. Foudre de fans, très longtemps. Aïe, aïe. Je suis fatiguée. Mais bon, c'est ça, fait que ils ont fait un anime, là, environ. Je ne dis plus de date, là. Il y a un bout, là. Ils ont fait un anime, puis ils ont fait un reboot, là, un an. Avec les animés. Puis, ils ont fait ça en film. Fait qu'ils ont fait 3 films à date. Là. Je sais pas s'ils vont, ils ont prévu d'en sortir un 4e ou peu importe. Je sais pas s'ils veulent faire tout le manga comme ça. Mais ils ont sorti le film. Bon, ça s'appelle Berserk Golden Age Arc. Donc, c'est la première arc. Là. Donc, comme je disais, ils vont probablement faire les autres arcs parce qu'il y en a plusieurs. Puis, bon, il y a The Egg of the King. Il y a The Battle of Dre. Puis quoi? Deldray. Deldray. D-O-L-D-R-E-Y. Dana Deldray. Ouais, Dana Deldray. Puis le dernier qui vient de sortir, il sort en janvier au Japon. Puis bon, il devrait être traduit bientôt, peu importe, il est sûrement quelque part internet qui est encore légal à télécharger parce qu'il n'est pas encore disponible en anglais, juste comme ça, André, au cas où que tu sois fâché. T'as pas besoin de te justifier avec ça. Puis le dernier, c'est Descent. Puis c'est ça, donc c'est un anime qui est très bon pour les fans de violence et de sang et de saints. Ben. Ça parle de quoi, ça, le Berserk? Moi, je connais. Berserk, t'as résumé ça en trois mots. Non, mais moi, je suis totalement déconnecté. Fait que c'est Game of Thrones, finalement. Ouais, honnêtement, c'est comparable avec Game of Thrones, mais c'est un peu plus démoniaque, en fait. Y a-tu un nain? Je me souviens pas. Game of Thrones ont un nain. Non, eux, ils en ont pas. C'est un nain très macro aussi, là, qui faut tout. Un nain gangster. C'est encore mieux. Puis, c'est ça. Donc, Berserk, ben. C'est médiéval. Emmy Award winning name. Oh, dans le temps médiéval, donc Milton, tu pourras pas le regarder. Ah, Berserk, c'est médiéval. C'est ouais, le problème. C'est médiéval. Mais non, mais ça paraît pas que c'est médiéval. Non, c'est médiéval, mais ça paraît pas que c'est médiéval. Là. Ça embarque pas vraiment. C'est plus comme... Ils ont tous des iPods. Non, mais. C'est plus comme le temps des chevaliers, tout ça, donc médiéval, mais tu files pas le vibe médiéval. Là. Ok, ok. Puis ça fait que c'est justement. Il y a une histoire de démons là-dedans, puis tout ça. C'est le nom, il s'appelle Guts. Ça, c'est le héros principal. C'est des goffes? Guts. Ah, OK. En on est vraiment pas fait avec Guts en ce moment. Il se tient au passeport la fin de semaine, le méchant à Berserk. Au passeport. Ou au saphir dans le premier étage. Ouais. À danser devant un méchant de boucan. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est dans le temps médiéval. Puis bon, c'est un gars qui est orphelin, tout ça. Puis il grandit, puis il devient un peu mercenaire. Puis là, il se fait engager par Band of the Hawk. Puis là, c'est ça, le leader de ce band-là le veut absolument dans son team. Puis là, bon, ils ont un combat parce que lui, il veut rien savoir, Guts. Ils ont un combat, puis il perd, donc Griffin, ça, c'est le leader de Band of the Hawk. Il fait, bah, tu m'appartiens vu que t'as perdu. Là, l'histoire commence, il y a des combats partout, tout ça. Lui, il se joint avec eux autres. Puis ça se développe. Il y a tout un plot derrière ça, c'est vraiment bon. Les combats sont cool, comme moi j'aime oui, ça. Oui, c'est vraiment des bons combats. Les épées, le genre, des gars qui revoient dans la tête. Oui, oui, ça jute, ça coupe en deux, puis il t'ouvre la tête en deux, t'as le détail, là. Tu vois tout. C'est vraiment gore, puis. Tu sais, ça fait que c'est. Là, je peux pas non plus en avancer trop parce que je vais vous spoiler. Mais à un moment donné, bon, ils sont rendus à se battre contre des démons, mais c'est vraiment des démons, genre dégueu, là. C'est dégueulasse, ça, c'est. Ils ont des tentacules? Oui, beaucoup de tentacules, beaucoup de créatures bizarres mixées, genre avec d'autres trois animaux. En tout cas, c'est vraiment trois animaux, pardon. Donc, c'est vraiment spécial, mais en tout cas, moi, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment très, très bon. L'action en masse, il y a du gore, il y a du sexe, fait que c'est ça. Donc, c'est très, très bon. Puis, comme je disais, justement, c'est une série qui roule depuis quasiment 20 ans. C'est une série très, très, très, très, très appréciée au Japon. On peut mettre dans le monde. C'est justement un des animés qui est connu le plus des Américains. Puis. C'est où est-ce que tu l'entends? C'est quelque chose qui passe sur Netflix en ce moment? Je sais pas si c'est sur Netflix, mais tu peux trouver ça sur un site d'animé online. Là, c'est facile à trouver. Okay, cool. Que tu peux regarder les films. Puis sinon, je pense que tu peux louer ça comme dans. Oh non, ça n'existe plus, hein, la place à l'animé d'entendre. En tout cas, bref, je suis sûr que tu peux trouver sur Internet, c'est très facile. Il doit y avoir des places pour les trouver. Sinon, on invite les gens qui écoutent la podcast. Écrivez-nous sur la page où vous louez vos animaux, des choses comme ça. Un site illégal. Non, pas les sites illégaux. Ça, je les enlève à chaque fois, ça. Pas les sites illégaux, mais un site genre. D'échange de genre. Ou on peut juste arrêter d'en parler et pas étirer le malaise. Ok, c'est bien. Trouve-le. Mais c'est légal en Suède. Payez pour votre art, les enfants. Ouais, et voilà, tu sais. Payez pour votre art, mais comme c'est pas facilement trouvable, vu que c'est. En passant, il est pas encore traduit en anglais, donc c'est légal de le télécharger, Berserk. Non, mais c'est totalement correct. Donc. Comment tu l'écoutes d'abord s'il est pas traduit en anglais? Ben, il est sous-titré en anglais, mais. Du fan subbing. Si, c'est du fan subbing. C'est pas officiellement traduit, t'as le droit de downloader, c'est légal. À ne pas confondre avec le fan service. Non, non. C'est deux choses totalement différentes. Attends qu'il sort en Blu-ray, puis il va l'acheter. Même, soit oui. Mais c'est juste que si vous voulez voir tout ça, ce que moi je vous recommande, c'est très très bon. Cool. Allez-y, c'est écœurant, c'est très. Bon, justement, je vous les ai retapés, mais j'avais déjà lu. Puis je lis le manga aussi en même temps, donc. Génial. Ben merci, Mélanie. Oui, on va checker ça. Oui. Qui se lance? Ben moi, en parlant de payer pour aller voir des choses, moi je suis allé au cinéma. Oui. Ah, ça, c'est discutable avec l'histoire que tu nous comptes. Hein? Non, mais ça, c'est une autre affaire, ça. Mais j'ai payé pour rentrer la première fois tout le temps. Mais je suis allé voir Oblivion. Je sais que toi, t'es allé voir, André. Ouais, t'es allé voir toi aussi, ouais. Mel? Je l'ai vu deux semaines. Quand il sort, c'est la fin de semaine. Fait que juste vite fait, avant que je me laisse là, c'est thumb up, thumb down, juste simple comme ça. Moi, j'aimais ça. J'ai trouvé ça très bon. Ouais. Ouais, j'aimais ça. J'ai trouvé ça correct. Quelqu'un d'autre? Non, Michel, non. Juste le nom qui... Ben, combien de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est-tu basé sur le jeu? » Écoute, ben oui, je pense que si Elder Scrolls serait un film, ça l'aurait fait une couple d'années qu'on le savait. Là, mais... Oui, mais c'est juste pareil quand... critique qu'un film Oblivion. Moi, quand j'ai vu qu'elle allait sortir Oblivion, j'étais comme, what the hell, c'est quoi ça avec Tom Cruise? Hein? Ah, c'est j'étais allé voir, j'ai fait, ok, ça a vraiment pas. Ce qui est cool en plus, c'est que tu sais, il te dit ça, mais tu sais, le monde aurait plus tendance à se rappeler de Skyrim ces temps-ci. Là, ah oui, ils ont fait un film basé sur Oblivion, le vieux ça, jeu. Ça reste la grosse affaire. Ben, il était bon, mais. Mais il y a bien des gens qui vont penser que Skyrim, c'est Oblivion 2, hein, ben, c'est même. Morrowind, c'est quoi ça? Morrowind? Daggerfall, c'est quoi ça? The Elder Scrolls? Red Guard. The Red Guard, c'est quoi? Arena, c'est quoi ça? Bon, ok, on a. Fait qu'on les a toutes. On a tout nommé, ouais. Non, on les a toutes faites. Ben, il y a l'online qui s'en vient. Puis il y a l'online qui s'en vient aussi, ouais. Mais Oblivion, waouh, moi j'ai capoté. Je pense que toi t'avais dit une affaire, c'est longueur, puis ça c'est la seule affaire que je suis d'accord avec. Une couple ben honnêtement, longueur, le film était génial, mais il y a juste deux, trois petits bouts. Mais c'est des longueurs artistiques, on va se dire. C'est des longueurs là, qui sont là pour que t'aies comme. Tu absorbes le. Ouais, mais c'est pas un film artistique. Ben, de quoi tu parles? Non, mais c'est un vrai hommage aux science-fiction. Là, le gars, Kaczynski, là, il y a une tendance. Là, je le vois, là, son style, puis je suis en amour avec ce gars-là. Ouais, no homo, pareil. Là, mais. Non, mais pareil, c'est un bon film, mais je trouve que les. Puis c'est. Mais c'est là ce que tu vas me dire que. Dans. Parce que là, attends une seconde, faut que je te challenge un peu. Ok, challenge-moi. Y a-tu des longueurs dans Tron Legacy? Ouais. Ok, bon, ok, c'est bon, j'ai pas besoin de te challenger. On est d'accord, c'est longueur, puis que c'est, ça fait partie de ton style. Je un l'ai peu, réécouté là. Souvent, puis je peux te dire, effectivement, il y a des longueurs. Parce que moi, c'est la seule affaire que j'ai remarqué, puis j'ai vu la ressemblance un peu entre les deux, là, mais moi, j'ai adoré le sci-fi. Moi, j'aime des sci-fi comme ça, tu sais, des sci-fi qui ont des twists qui font aucun fucking sens. Mais ils font du sens. Fait que c'est comme un épisode de The Outer Limits, mais de 2 heures et quelques. Tu sais, dans le fond, t'as plein de mais twists. Mais ça fit dans 2 heures. Moi, j'aime ça quand ça fit dans 2 heures. Puis, je veux dire, j'irai pas trop dans les spoilers, mais les Radiation Zone, là, quand il tombe là-dedans avec son vaisseau, là, je m'en doutais un peu, là, mais j'étais bien content de cette sign-up. J'ai trouvé ça écœurant. Ouais. Là, ça m'a fait triper au bout. Je m'en rappelle la première fois. Mais j'aimais le. Comment je peux dire la direction artistique un peu pour le futur parce que c'était un futur mais c'était pas trop flyé tu sais. Mais c'est un futur comme vu dans les années 60. Ben c'est ça, c'était comme du rétro-futur. Ben, c'est pas trop flyé, le New York est pas enseveli de sable au complet. Mais c'est pas pourquoi, je vais pas dire pourquoi parce qu'il en parle même pas dans la publicité je pense, mais c'est vraiment mais cool. C'est plus tu sais l'habitacle parce que là je fais pas un spoiler ou rien, il y a une place où ils demeurent les gens dans le film, fait qu'ils ont une maison. Cette maison là, je la trouve c'était bien normal, tu sais, quand il y a un bureau, un sofa, ils ont un lit, ils ont tous des étages. Je m'imagine la région de la région de Montréal, Québec, le condo était sur le top du Mont-Tremblant, quelque chose comme ça. Là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'était pas une affaire super flyée avec des détecteurs partout puis là plein de pitons. Mais les drones, man, les drones là, je pense que c'est un des tu sais, t'as toujours des méchants, des monstres, whatever. C'était un des. Tu sais quoi ça faisait penser, ces drones là? Ça faisait penser dans Robocop, les drones avec les pattes. Il y a les mêmes bruits, mais il y a les mêmes sons. C'est le même feel que j'avais quand je regardais. Je me sentais pas bien comme ça. Moi, j'étais jeune, je regardais ce film-là, j'étais comme. Puis les premières séquences au début, là, t'es là puis tu t'as peur, puis tu vois lui qui est capable d'échoter dedans. Mais un peu. Je les ai pas vus comme un méchant, moi, les drones. Ah, honnêtement. Dès le début, je les ai vus comme un. Moi, je les ai plus vus comme un élément perturbateur, mais tu sais, c'est plus comme. C'était pas des méchants, c'était pas des gentils, mais c'était plus comme un rôle outil. De méchant. Ben, mais c'est un outil, mais c'est ça. Méchant. Mais c'est parce que t'as des films qui vont t'over. Comment je peux te dire ça? C'est qu'ils vont prendre cet élément-là, puis ils vont te faire 48 scènes, tu sais, de genre. Quasiment que le drone t'a fait un regard méchant, puis là tu fais comme ouh, lui il va servir de bord à un moment donné. Mais tu sais, c'était pas overjoué. Des drones ou des clones? Des drones. On n'a pas parlé de clones. Aucunement. Okay. Non, mais j'étais plus sûr, là, il fait un regard. Le robot. Tu sais, c'est, je trouve qu'ils te mettent pas trop d'indicateurs que il peut arriver quelque chose. Ben, il démontre la force. Moi, je m'excuse, dès que je l'ai vu, je savais que ça les servirait contre eux autres. Oui, ben, c'est parce qu'il démontre la force tout de suite de ces drones-là. Puis je trouve que, en tout cas, tout ça pour dire, les drones m'ont fait halluciner au bout. Puis je déclare, comme je l'ai dit un peu, mon amour pour Joseph Kaczynski. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Parce que, tu sais-tu comment est-ce qu'il a commencé, cet homme-là? Tu sais quoi, les premières choses? Un des premiers projets qui a été connu pour là, le trailer de Gears of War avec Mad World. Ah, wow! C'est le même, c'était ça. Il a fait Starry Night de Halo 3. Ok. Ça s'appelle Starry Night. Ben, je suis content que tu apportes ça, Eric, parce que moi, j'ai vu le film, puis directement dans le character design, quand je suis sorti de là. C'est fait. Mais tu vois, regarde, moi, je suis sorti de là, puis ça m'a fait penser à Destiny. Le nouveau projet de Bungie. Bien dit de même, ouais. Honnêtement, la manière que les personnages ont l'équipement, les drones, les guns, un peu le setting que tout est détruit, puis là, t'as un vaisseau dans le ciel. Ça explique un peu le potentiel du gameplay d'un jeu comme Destiny, ben, parce que ça fonctionnerait dans ce genre-là. Mais honnêtement, là, tu sais, les zones, il ferait un film de Destiny, ça, Oblivion serait quand même bien fité avec. Ben, je voyais ça tout le long, j'ai fait comme, OK, wow, finalement, le jeu va être hot. Mais ben, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, mais moi, c'est juste le Kozinski, là, je déclare. Je suis le seul qui l'a pas chapeau, vu, Oblivion. Mais on est trois qui l'a vu ici. Là. Ah, tu, ouais. Ah, tu l'as vu. Non, en fait, c'est vu, une égalité de personnes qui l'ont vu. On vous donne ça envie de le voir ou... Non, non. Ben, okay, non. Mais vous aimez pas de science-fiction. Moi, je suis pas un fan, ouais, mais je veux le voir quand même. J'ai vu le preview, puis ça avait l'air cool quand même. Je vais sûrement le voir un moment donné, mais je suis pas pressé. Pas de la moi, je l'ai vu en VMA. Ouais, en VX, moi aussi, puis c'était quand même bien. En VX, je commence à aimer. Vous aimez la musique? J'adore la musique. Sais-tu, c'est qui a fait la musique? Oh! Paul Darèche. C'est ça, Vangelis, un peu. Man, moi, je te laisse, mais c'est parce que. Mario Falcha. Non, mais. Ben, Tron, c'était la musique de Daft Punk. Mais ça sonnait comme Solar Fields par bout. C'était M83 qui a fait toute la musique dans ce film-là. Wow. Puis ça, j'étais aucunement au courant. Je l'ai vu dans les trailers après. Puis moi, j'adore M83. C'est une des... En tout cas, j'aime leur son. Puis ils se sont bien portés pour ça. Puis j'aime l'idée de Kozinski qui apporte clairement des talents écœurants de musique pour venir faire ses soundtracks. Ouais. Puis ça, le fait qu'il a pogné Daft Punk pour Tron, on sait tous que ça, on a tous bien aimé ça. Ouais. Mais en tout cas, moi puis toi, je sais pour sûr. Mm-hmm. Moi, oui. Puis toi aussi, bon. Mais en tout cas, j'ai adoré. Puis j'ai bien hâte de voir ce que c'est d'autre qui va faire cet homme-là. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est basé sur un graphic novel. Oh, ça, je savais que, pas. Ça, moi non plus, je savais pas. C'est une compagnie de publication. Peut-être Michel pourrait parler d'eux. Mais c'est, en tout cas, moi, je connais non, mais je connaissais pas du tout. C'est eux autres qui ont fait des remakes de Hercules, disait ainsi. Okay. Puis Walt Disney était supposément pour faire le film. Puis il était en bidding war entre Walt Disney. Ils ont Disney. Perdu? Non, mais ils n'ont pas perdu. Ils ont pullé out parce que le script, c'était PG-13. Puis Walt Disney, eux autres, voulaient faire un PG. Ah. Moi, je me dis que c'est juste moins une scène de sexe ou deux. Là, mais... C'était correct, en plus, le film. Parce qu'il y a du monde qui meurt en Chris. Il y a du monde qui mange de la claque en Chris. Moi, tu vois, regarde, parlant de la VX, il y a une chose que j'ai adorée, puis tu parlais de la musique, c'est qu'en VX, le son est vraiment bon, l'image est... Les drones. C'est écœurant. Ce que je déteste de VX, par exemple, c'est que... Les bancs inclinables, là. Ça, mais c'est ça le fun quand toi tu t'inclines. Mais quand t'as un dos dans l'avant de toi qui s'incline puis qui s'accote dans tes genoux, parce que mettons que t'es grand, là, tu sais, puis mettons que ça prend un peu de place pour te mettre tes jambes. Je vais te montrer la photo, là. C'était horrible. J'ai pris une photo parce que moi puis Julie, on est allé le voir, puis on rentre dans le cinéma, puis j'ai une photo parce qu'elle est perfect. On est allé seul dans le cinéma. C'était le Star City à Hachelaga. Dans le. Ah, j'étais voir en anglais. J'étais voir en français. Mais parle-moi-en pas de ça, Joe, je t'aime, là, mais des fois, je perds cette bataille-là. Je peux pas rien, t'étais tout seul dans la salle. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça un peu poche qu'ils font ça, mais en tout cas, c'était quand même correct. Là, Tom Cruise, je peux m'en passer un petit peu en français, c'est pas la fin du monde. Là. Des fois, c'est plus drôle. Ouais. Ben, il y a des traductions weird. Ah, puis en parlant, pas pour déraper trop, là, mais il y avait la publicité de Star Trek, mais tu me fais penser à ça. Ouais, en français. Puis c'était en français, puis c'était tellement mal fait. Là, on a-tu des fans de Star Trek, c'est un peu, connais-tu? Ben, j'aime ça un peu. Fait que tu sais, la fameuse scène qu'on voit dans le trailer en ce moment, où ce que t'as Kirk qui est là, puis ils sont dans le vaisseau, puis ils s'en vont pour la fameuse scène, où ce que t'as des portes qui ferment, puis ils veulent passer à travers. Puis là, après ça, t'as Kirk qui est comme, we're gonna fit in there, puis là, t'as Spock qui est comme, no, we're not. Puis là, ils passent à travers. Puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est Kirk qui dit « I told you we're gonna fit », puis t'as Spock qui répond « Well, I wouldn't qualify that as us fitting ». Bon, perfect Spock-Kirk moment. En français, qu'est-ce qu'il dit Spock après ça? « Avoue que t'as eu peur toi aussi ». Non. What the fuck? J'avoue que... Ça, ah, Michel, ça il comprend comment que ça se... Tu peux même rire dans le micro, t'as le droit de rire dans le micro, Michel, tu peux... Fait que c'est bon qu'on a parlé de traduction weird, parce que ça m'a permis de voir ça, puis réaliser comment est-ce que, tu sais, des fois, je vois des films en anglais, puis les jokes, des fois, mais c'est là que tu vois beats. Qu'ils ont catché c'est quoi le sens d'un vulcain. Ben, ça fait aucun sens, là. Ben, puis c'est quoi qu'ils sont en train de faire dans la salle de traduction? C'est correct, les motifs humains, il y a des sentiments. C'est ça, aussi. Let's go. Réécris le scénario, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon. Bof, c'est ça. Là. Bref. Ben sinon, Oblivion, on recommande. Ouais, moi je le recommande au bout. J'ai hâte d'aller voir les. J'ai plein de films qui s'enlignent. On a une couple de semaines écœurants au cinéma. Il y a du bon cinéma qui s'enligne. Ouais. Ouais. Cool. Fait que sans s'embarquer dans les films que je veux aller voir, quelqu'un prend le micro avant que je commence. Intern, Nick. J'étais allé voir. J'ai regardé un film aussi. Cool. C'est dernier film de Rob Zombie, The Lords of Salem. C'était bon, ça? Salem, yeah. C'était cool. Salem, il n'y avait, pas de, il y avait pas de drone, il n'y avait pas de clone, il y avait encore moins de Tom Cruise. Mais non, c'était c'est pas son meilleur, mais je dirais que c'est son plus étrange. Il y avait du Massachusetts? Oui, un peu. Mais ouais, c'était cool. C'était, ben, ça se passe, c'est ça. C'est la fameuse légende, les sorcières de Salem et tout. C'est tout du cas vécu inspiré des gens ou. Ben, même les histoires de Salem, je dirais que c'est un petit peu. Ben ouais, c'est maintenant. Ben, c'est pas l'histoire des sorcières de Salem, mais c'est. En fait, c'est une DJ d'une station de radio de Boston. C'est l'histoire de DJ. Qui reçoit un vinyle, elle fait jouer en ondes, puis le vinyle, c'est comme des sons bizarres, puis. De Satan. Il y a des filles comme qui se mettent à réagir drôlement à la musique, puis je veux pas en dire trop non plus, de pas dire le spoiler, mais. C'est du Marc Dupré qui joue, genre. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, on sait pas là, si les filles sont en train de virer folle ou si c'est vraiment The Lord qui débarque en ville pour foutre le bordel. Puis c'est ça à Salem ou à Boston? Parce que c'est ce que le monde de Salem, c'est les seuls qui écoutent la musique de la station de radio de Boston ou. Ouais, ça se passe-tu à Boston aussi? Ou... Ouais, c'est ça, ça se passe. Okay. La radio est-tu diffusée sur Internet en même temps? Puis c'est dans le monde? Ça affecte ou... quelqu'un à répand en même temps? On vient de gâcher à la fin? C'est pas un podcast en tout cas. Ok, ok. Fait que personne peut le downloader puis le faire jouer 5 ans après puis repartir non, une autre épidémie. Ça se passe, je sais pas en quelle année que ça se passe, ça va être les années 70. Ok, fait que ben, ça, il s'en sauve de c'est ça. C'est des cassettes. Fait que... Puis il se faisait des cassettes. Non, c'est des vinyles en fait. Ah, des vinyles. C'est là qu'il faut que j'insère un bruit de criquet ou quelque chose de même quand tout le monde arrête de parler. Je joue mon coloc. Ouais, mais au moins, il dit que le coloc est rentré, on s'est tous posés pour dire allô à Danny. Bonsoir, Danny. Danny boy. Mais ouais, ben moi, c'est vraiment différent de ces autres films, que ces autres films étaient vraiment plus violents, puis tout ça. Puis lui, il y a moins de violence, c'est plus, je dirais. D'épouvante. Cérébral. Ou plus psychologique. OK. Cool. Y a-t-il encore sa femme dans le film qui joue? Oui, sa femme, elle joue le personnage principal. Coûte moins cher, garde les subventions à la maison. Garde la maison. Blonde, là? Ouais, ouais. Sherry Moon. Puis les autres acteurs, il n'y a pas tant d'acteurs que moi je connais. Il y en a peut-être qui connaissent, mais c'est pas des gros noms. OK. Puis la musique, toujours la bonne musique dans les films de Rob Zombie, moi personnellement, je trouve ça. Mais... C'est juste du Rob Zombie? Non, il n'y a pas. En fait, c'est John Five qui. Ouais, c'est son ancien guitariste. Ben, il est-tu encore guitariste? Ouais. Puis c'est bon, ça. Oui. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis c'est vraiment un film peut-être plus pour les fans de Rob Zombie, parce que c'est pas non plus le. Mais c'est gros. C'est quoi qui te fait un fan de Rob Zombie en. Quand tu entends son nom, puis tu jettes absolument tout, qu'est-ce qu'il va avec. Il y en a qui sont vendus. C'est ça, on en parlait tantôt avec Milter. C'est Rob Zombie, il y en a qui c'est comme tout ce qu'il fait, c'est de l'art. Moi, je suis pas d'accord. Je suis un fan, mais je suis pas non plus. J'ai pas trippé sur Halloween, ses remakes, mais je suis pas un fan de la série Halloween. Moi, c'est sa musique que je trippe moins. Les films, je les trouve pas super. Mais ok, j'suis fait pas... que t'aimes mieux Power Man 5000, toi. Non, j'étais un fan de. Oh, j'aime White Zombie, mais Rob Zombie, t'es après, je comme. Je trouve que c'est comme. NSYNC, il y a son Justin Timberlake qui est parti tout seul, là, c'est comme Rob Zombie est parti tout seul, puis il fait du pop metal un peu, là. C'est moins bon que dans le temps que quand c'était White Zombie, en gros. Moi, personnellement, okay. Je trouve ça. D'ailleurs, j'ai écouté son dernier album mais... aussi. Là. Ouais, c'est comme sortir, un combo Rob Zombie ce soir. Il a comme sorti son film et son disque quasiment en même temps. Okay. Mais le monde sont dans le hype, fait qu'il achète tout pis suite. Ben son marketing. Disque, ça reste. C'est du Rob Zombie. Là. Ceux qui aiment ça, ils vont aimer ça. Puis ceux qui aiment pas ça, ben il y a rien de nouveau. Il redécouvre pas. Il se redécouvre pas lui-même, il réinvente rien. Les fans vont être contents. C'est comme du pâté chinois. Si t'aimes ça, tu vas aimer ça. C'est ça. Mais... C'est du Rob Zombie. C'est okay. Métal avec des beats un peu électro. Puis il dit des yeah pas mal souvent. Des yeah dit dans une machine. Là. Yeah! Ouais. Avec ben de l'écho. Ouais. Oh my god. Mais, okay. Ouais, The Lord of Salem, je le conseille. C'est sûr que c'est pas un film qui va plaire à tout le monde non plus. C'est pas. Mais comme fan de Massachusetts, un peu comme moi, je sais que comme t'es allé là-bas. Ben, c'est sûr que tu t'intéresses un peu à ça. Salem, là, c'est-tu c'est-tu tourné à Salem au moins ou... Ben, je pense que oui. Mais j'ai même pas vérifié les choses okay, vraiment okay, si c'est ouais. Tourné là, mais. Moi, je suis allé l'année passée en plus à Salem. Moi, j'y vais je retourne dans 2 semaines encore. Puis, c'est cool. Il y a comme c'est le vibe là. C'est sûr qu'il alimente beaucoup les sorcières. Marketing. Il y a vraiment des boutiques là, de 10 heures de bonne aventure. Puis si, puis ça. Là, ils savent là, que là, les touristes vont là pour des ça. Les attrape touristes, il y en a, mais bon. C'est tu vas avoir, tant pis pour toi. Là, à côté du stand à queue de castor, là, genre. Là, il n'y a pas de queue de castor. Mais tu vas avoir des lobster rolls. Moi, j'étais allé comme 2 jours après l'Halloween, toujours de même. En plus. Là, c'était, Les bonbons, étaient-tu en spécial? Ils sont jamais en spécial là-bas. Non. C'est l'Halloween. C'est l'Halloween tous les jours. Longueur d'année, c'est marketing. Ils sont même 2 fois plus chers qu'ailleurs. Il y avait beaucoup de goffes. Moi, ça, c'est l'un que j'ai appris. Ben, quand ils sont pas au passeport, ils sont à Salem. Ah, c'est pas pire. Ils ont deux places. Excellent. Donc, segway vers Milter. Ben, moi, j'ai deux affaires que j'ai faites. Une toute ça veut dire petite. Quatre, ça. Ouais, ça va être long. Ouais, c'est ça. Non, j'ai vu Dale Tucker versus. Non, ça, c'est la liste de tout le monde pour la photo. Okay. C'est Dale Tucker versus Evil. J'approuve à 100 000 à l'heure en passant. Super bon, ça. Super drôle. J'ai écouté ça avec ma femme cette semaine. C'est bon, je vais pas péter de punch. Mais c'est pour le monde qui aime les films d'horreur, puis qui rit, puis qui prennent pas ça au sérieux, là. C'est. Super bonne comédie slasher. Tu l'as vu, tu me l'as suggéré justement. C'est pour ça que j'ai fait je vais l'écouter. Ça s'écoute tellement bien en plus. Ah ouais, parce que ça prétend pas être rien de fou, mais t'écoutes ça, puis c'est facile à embarquer. Ah, c'est quand même, c'est pas non plus du série B, c'est quand même bien fait. C'est pas cheesy. Ouais, ouais, c'est, fond, bien, c'est mieux fait que j'aurais pensé. Moi, c'est vrai, au début. Peu, là. Les acteurs sont, tu sais, pour le genre de film, ils sont clichés, mais ils jouent le rôle qu'ils veulent parce que c'est une parodie satirique. C'est comme des rednecks, puis. Ben, eux autres, autant les jeunes aussi qui sont des méga clichés, puis qui viennent. Les jeunes qui vont. Ils jouent leur rôle de cliché très bien, chacun, je pense, la plupart. Là. Il y en a qui meurent dès le début, quasiment, mais en tout cas. C'est eux autres qui sont en train d'avoir du sexe. C'est drôle. Comment? Ceux qui meurent du sexe sont en train d'avoir du sexe, puis ils font même pas tant que ça. Non, c'est ça le pire. Toutes les bouts de main, c'est tout que le contraire de tout ce que tu vas penser. C'est ça qui est le plus drôle. Un peu comme dans Funny Games. Ouais, toutes les morts sont comme. Ben, c'est un film, c'est préjugé en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Cool. Fait que les. Mais avec les clichés qui sont très installés, fait que tu penses, bon, ça va être cheap, puis il va y avoir encore. Oh non, c'est pas ça. Puis, tout le temps de même. Mais accidentellement, chaque événement a l'air. De la chose que tu t'attendrais cliché, c'est mais ça. Dans le fond, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme tu veux. Il y a une escalation horrible qui arrête pas, puis dont aucun des deux côtés peut s'échapper. C'est écœurant comment c'est bien fait. C'est super drôle. C'est bien pensé, là. Puis... Les fuck, eux autres, il y a le bien, je pense. Excuse. Oh, come on. C'est drôle. Puis, en tout cas, c'est un super bon film, puis tout. Ouais. Puis, l'autre affaire que j'ai faite, c'est vu que j'ai plugué ma PS3. Ben, j'ai joué à DC Universe Online. C'est écœurant, hein? J'adore. Ben, parce que j'avais le goût de jouer à Marvel Heroes, sauf que c'est en bêta. Fait que j'ai fait, bah, je vais jouer à DC Universe Online. Vu que, tu sais, tout le monde sait que j'aime plus Marvel que DC. Puis tu t'es fait un bonhomme Spider-Man? Non, même pas. Ça m'a fait chier. J'ai fait un bonhomme, là. Moi, je trippe sur Iceman, genre, pour je sais pas quelle raison. Puis t'as vu deux, puis, trois Iceman se promener, t'es comme non, ça, même ça pas, malade. Même pas, là. J'ai fait mon bonhomme, là. Ah, je l'aime bien comme Spyro. Puis là, j'ai fait mon bonhomme en conséquence, un asti de beau sou, tout. Là, il y avait une option qui est comme à la fin, puis ça dit comme style inspiré de. Fait que pour le linge, je me dis, ah, je peux m'inspirer de ça, parce que ça avait vraiment de l'air de l'option du linge. Puis en tous les cliquants, le inspiré de Catwoman. Il y avait de l'air cool, mon bonhomme. Il y a de l'air d'un genre de Ninja's Ear Blur. Puis je me dis, ah shit, il va voler, pitcher de la glace, ça va être écœurant, tu sais. Mais quand j'ai fait inspirer de Catwoman, ça a tout changé mes stats. Puis j'ai pas remarqué. Fait que mon bonhomme, au lieu de voler, il grimpe ses murs. Puis il fait du karaté au lieu de pitcher de la glace. Là, je suis comme habitué, genre, mais ça te pète le fun au début quand t'arrives dans le. Fait que toi, le 15 minutes pour recréer ton bonhomme, t'as fait comme ça. Fait fuck off. Ben là, je l'aime bien finalement, mon bonhomme. Mais faut que tu t'habitues, tu sais. Là, je suis comme. Moi, je voulais voler, là je grimpe ses murs. C'est moins cool un peu, là. Tu sais, tu cours quand vite, tu voles, c'est hot, là, c'est ça, là. Fait que je vais vous montrer à toutes que le dernier jeu vidéo que j'ai joué, c'est Pac-Man, mais tu pouvais pas juste prendre Ice, Ice c'est pas là. Ouais, yes. Tu manges juste le bleu, le fantôme bleu. Damn. Mais Ice c'est pas là dans le DC Universe Online. Non, mais c'est toi, il faut que tu te fasses de quoi? Mais c'est parce que les héros, ils interactent avec toi dans le jeu. C'est toi, qui tu crées un héros générique. Mais si tu peux peu. T'inspirer de Catwoman, tu ouais, peux ben, pas t'inspirer de Ice, c'est pas sa liste. Il y en a un, ouais, mais moi je voulais ça, je le voulais pas bleu pétant, tu sais, ou de quoi de même. Mais quand j'ai vu le bonhomme que ça me donnait avec l'inspiré de Catwoman, c'est comme un ninja noir, mon gars, que j'avais fait. Fait que c'est ok, tu sais. Mais ça a tout changé les stats en arrière, que ça, je savais pas que ça le changeait. T'es au courant aussi que tu peux changer tout le linge dans le jeu, puis. Oui, je sais. Okay. Mais c'est je juste pensais, le starting gear. Parce que puis... je pensais que le starting gear, c'était inspiré de, puis j'ai pas remarqué, fait que j'ai continué, puis ah, je pognais avec mon bonhomme. Mais là, c'est là que je me disais que je vais y avoir du monde fâché peut-être après moi, mais Eric peut-être moins pire. Si je m'en avais dit que c'est la même maudite affaire que jouer à World of Warcraft, dans le fond, là. Ben, c'est inspiré c'est, de ça, ben, vraiment, c'est là. Pareil, là. Moi, la première fois que j'ai joué, j'ai fait, OK, carrément du farming qu'il faut que j'aille faire, de chercher telle mission. C'est pas si grave que ça, là. Tu fais tuer 15 bonhommes de même, en tuer 8 de l'autre, tuer 4 de telle façon. Mmh. C'est, éviter c'est... tous les méchants du level 50-12 000 genre, qui traînent autour de la zone des je me promenais avec. Mais n'oublie pas tous les gars de PVP flagués qui sait pas que c'est flagué, qui viennent te raper dans ce genre de. Je jouais avec un gars qui nous écoute, là, avec Moreau, la dernière fois, là. Puis on se promenait, puis oh yeah, on faisait notre mission, tout allait bien. Déjà qu'on n'était pas capable de se parler parce que j'avais pas plugué mon micro en Bluetooth. Ouais, tu peux pas trop bien te parler au PS3. Il était pas chargé, Xbox, là. Puis je pouvais pas communiquer avec. Fait que là, on se promenait en se parlant des messages de temps en temps. Puis, fait que t'envoyais des messages textes quand tu jouais en ligne au PS3? Pas des messages textes, c'est des messages in-game. Tu sais, genre, tu payes sur le piton, tu vois, dans le menu, c'est message. Ouais, je suis là, viens-t'en. C'est pas la compliqué. C'était très, tu payes sur le piton, tu fais attention derrière toi, Sam, qui est mort. Puis trois fois même, là. Mais tu sais, genre, on est là en train de se promener, on avance, on catch que c'est ça notre mission. Il y a un dude level 30 qui drop nowhere. Pitch du feu, t'es comme, t'es qui toi? Il vient de nous tuer tout de suite, ça fait comme 45 minutes qu'on travaille sur notre petite mission de merde. Parce qu'on a pris PVP, tu sais. C'est toi, Eric. Ouais, c'est son genre. Ça a été trop hâte. Je trouve ça le fun pis plate dans le sens que c'est trop de farming exactement pareil comme WoW. Là, je m'attendais à un petit quelque chose de plus pis finalement, c'est la même maudite affaire. Fait que là, j'ai quasiment peur d'acheter Marvel Heroes quand il va sortir, parce que Marvel Heroes, au moins, tu vas pouvoir faire genre ton Iron Man, ton Hulk, ton... T'as besoin de farmer, mais de point de vue Diablo. Non, mais la seule affaire qui est plate, c'est que tu vas faire ça en point de vue Diablo online. Fait que là, tu vas rencontrer 28 Iron Man qui ont tous pris des branches d'armes différentes pour des stats de jeu, en tout cas, d'affaires de même. Fait que là, tu vas comme avoir dans comme WoW un peu. Ben, comme dans WoW, là, quand t'as 27 Orc Nowhere, là. Tu sais, la même maudite affaire que WoW, sauf... En super héros, pis tout encore, c'est. Je sais pas. Fait que t'aimes-tu ça, jouer à ça finalement? Ben, je veux jouer à ça. MMO, c'est ça la question. Je veux quelque chose de plus simple. Genre, tu sais, je veux que tout le monde. Tu sais, comme PlayStation Home style. Là, non, c'est pas un jeu, là, mais tu sais, juste. Tous tes bonhommes, que ben, tu vas jouer, tu fais tes affaires, ça se commence. Fait que toi, tu veux juste déguiser du monde. Monter de level, mais déguiser mieux. Mais déguiser mieux. Mais tu sais, faire. Non, mais un jeu, je sais pas, là, qui est pas exactement wow. Là, il vient de faire réaliser quelque chose, par exemple, je voudrais faire du home avec Milter. Mais c'est écœurant. Moi, je vais danser dans. Il y a deux personnes qui parlent pour de vrai, là, puis moi, j'arrive avec mon bonhomme, puis là, je vais dans emote, là, puis je le fais danser d'une façon nowhere entre les deux personnes. Fait que là, tu les entends comme parler, puis disent, on va t'aller ailleurs. Ouais, on se tasse-tu un peu, là, t'es vu parler leur bonhomme nowhere où je suis là. Moi, c'est de commencer des conversations puis avoir de l'air comme quelqu'un de bien legit qui veut. Puis comme ça, tranquillement, tu fais la conversation à aller fucker. Genre, tu commences avec une conversation que t'as vu un film la semaine passée, puis tu continues avec le ben, meurtre d'un chat. Moi, la dernière fois que je suis allé, là, il venait de sortir le jeu de 50 Cent, là, Meurtre sur la plage en français. Là. C'est Murder on the Beach, je pense, quelque chose de même. C'était quoi, c'était Blood on the Beach. Mais la promo, là. Oh non, ça fait 2-3 ans. Blood on the Sand, avec le score en diamant. Tu sais quoi la promo qu'il faisait pour le jeu? Non. Dans PS Home, t'allais genre dans le parc ou je sais pas quoi, puis il y avait comme un stage, puis il faisait jouer le soundtrack du jeu. Puis là, le monde, il dansait en écoutant tout, mais tu sais, il y avait comme 11 personnes. Là, puis moi, j'étais là, comme... C'est comme quand. Puis moi, j'étais pas là parce que je voulais être là. Là. Ça a juste donné que j'étais allé cette journée. Les 11 utilisateurs de Home au complet étaient là cette journée-là. À peu près. Non, il y en avait d'autres, mais le pire, c'est que tout le reste du monde qui était là, il était pas dans la place. On a le choix d'être ici, puis rien entendre. Ou d'être juste deux pas à gauche puis d'entendre exclusivement la nouvelle tune de 50 Cent puis le monde décidait d'être ailleurs. Ben, je pense comme... ça souvent parce que je m'en souviens justement, dans, dans le temps que Twilight venait de sortir, t'avais le vidéoclip de Paramore qui jouait au cinéma de PlayStation Home, c'est comme dans un vrai cinéma pour les bonhommes. Tu rentrais là pis tu regardais l'écran pis c'était ça pis il y a du monde qui était là assis pis dansait comme... ok c'est juste t'en regardes dans le banc, il y a un dude qui est juste assis là, t'en regardes ben c'est ça qui regarde le vidéoclip. J'ai dit ça de même, mais il y a des podcasts américains là, du monde qui ont de l'argent pis tout pour faire ça là, avec des budgets là. Pas tous mais certains là. Ben comme Joe Rogan, c'est là que j'ai entendu dans le fond là, ils mettaient leur podcast dans une des salles du PlayStation Home, genre le cinéma comme a dit. Ah ouais. Fait que là le monde pouvait être là puis écouter live le podcast pendant que les autres ils le recordaient, ils streamaient là puis le monde pouvait le regarder par PlayStation Home. Quand même. Fait non mais le potentiel de Home il est cool. Là. J'ai hâte de voir si quand le PS4 va être. Ils vont-tu le garder pour le prochain PlayStation? Ah non, ils ont mis trop d'argent là-dedans. Là. C'est impossible qu'ils vont pas continuer avec ça. Là. Puis je pense que ça marche moi honnêtement. quand tu y vas, tu te dis que t'es pas allé depuis Blood on the Sand. Ça fait longtemps, je pas allé. Non, mais tu vas être surpris. Plein d'updates encore. Le stock qui se passe, les jeux que tu peux faire. Il y a plein de potentiel cool. Sauf que je vois le monde. La console PlayStation 3, c'est absolument de la marde. Mais aller sur Home, c'est cool. Non, mais imagine ce que tu peux faire. Tu sais, tu peux jouer à un jeu. C'est une joke en passant. Aller sur Home. Ouais. Ben, moi, je t'allais me promener sur Home. Tu peux aller jouer. Moi, j'allais me promener. Je sais même pas c'est quoi. Il y a des jeux. Ouais, il y a des jeux de course. Tu peux faire des courses qui sont écœurantes à la Wipeout. Il y a des salles thématiques. Fait que tu vas jouer un mini-game avec quelqu'un, une game de pool, ou tu vas dans une salle des tables de poker. Assassin's Creed, exemple. Puis là, il y a un petit mini-jeu qu'ils ont inventé. C'est un peu comme The Sims pour PlayStation. Ouais, ouais. Ben, tu sais, moi, je vous adore. Loin de ça, ouais. Mais. Va au boîte, on a une invitée. Oui, je joue juste ouais, en place. C'est qui fait encore des nouvelles, là, toi? Ben, des nouvelles, regarde, t'as parlé d'Oblivion, t'as parlé de. Non, honnêtement. Ben, j'ai dit que je parlais d'Oblivion au début de la semaine. Ben, c'est ça. Mais honnêtement, cette semaine, regarde, j'ai été malade, j'ai pas fait grand chose. J'ai joué un peu sur mon iPad. Je suis pogné ben raide sur Gemini Rue, qui est un genre de. Rue ou Rue? Rue, je sais pas. Okay. Je sais même pas comment qu'il prononce. Gemini Rue. Gemini Rue. Un genre de point and click. Mais il est fait old school, mais il fonctionne sur des gadgets comme le iPad, le iPhone, les affaires de même. Puis l'histoire est vraiment intéressante. Il y a un bon voice-over dedans. Il y a des mécaniques, tu peux tirer sur les gens, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Puis je suis capable de m'arrêter sur le jeu. Tu me feras penser aussi, c'est pas pour aller trop sur la nouvelle, mais on devrait faire un podcast dans le futur immédiat sur comme les jeux. Parce que là, toi, si t'étais malade avec ton iPad, je suis sûr que ça t'a diverti assez pas long, comme assez souvent. Ouais. Mais avoir comme les jeux que t'as sur les portables, que j'ai sur mon téléphone, c'est ainsi que je commence à creuser plus. Là, c'est my god. Moi, j'ai peur de payer des juste une pièce, des fois, je me lâche là, j'ai bu de bière. Attends, t'as bu de bière, je me gâte. Non, mais c'est des jeux qui sont gratuits, mais que j'aime aller au point où ce que les gratuits, je finis par m'attaner après une ou deux journées. Comme à part Candy Crush. Certains. Candy Crush, j'ai même pas essayé. Hey, je m'excuse, j'étais pogné, il a fallu que j'achète de quoi parce que j'étais piqué. Candy Crush, c'est designé, mais c'est ça dans le concept du design. J'ai eu le choix, ça, j'avançais pas. Mais le design de Candy Crush, c'est ça, ils ont fait une grosse conférence là-dessus parce qu'ils parlaient justement de comment faire de l'argent. Des jeux gratuits puis tout, puis Candy Crush est un exemple énorme en ce moment où ce que t'as 75% du jeu qui est super facile à faire mais qui coûte rien, puis là après ça c'est le dernier 25% que c'est là que ça te break up, là. Faut que t'aies au moins mis 20-30$ dedans pour réussir à finir le jeu. Fait qu'ils ont compris le point, là. T'étais accro à ça, toi, Candy Crush? Je joue pas à Clash of the Clans. Je dis ça de même, là. Ben, ça, c'est gratis, tu peux tout faire, tu peux jouer, mais là maintenant ils font comme, ben tu sais, tu produis des troupes. Ça pourrait aller plus vite avec des bijoux, hein? Tous les jeux 500 bijoux, là. C'est 5$. Boah, 5$. Mais là, t'es passes bien vite, tes bijoux. Puis là, tu fais, ah, ben, quand, gadon, là, je me fais attaquer, ça me prendrait des troupes. Ça irait pas mal plus vite avec des bijoux, hein? 5$. Ouais. C'est la pire arnaque ever. Mais c'est pas une arnaque, c'est conçu comme ça, là. C'est à toi de te contrôler un peu. Ben, c'est ça. Je dois être honnête, j'ai acheté 5$ de stock, puis après ça, j'ai fait, bon, mais regarde, non, mais tu payes une jeu gratuit. Je l'ai acheté par. J'étais trop en crise. Mais regarde, sondage curieux, combien d'argent que t'as mis sur Candy Crush? Juste 2$. Bon, fait que 2$, combien de temps que t'as gaspillé sur Candy Crush? Ben, 2 heures. 2 heures? Juste 2 heures. Fait qu'une pièce de l'heure pour te divertir un peu là-dedans. Non, juste moi je vois toujours, là, c'est le ratio de jeux vidéo, là, combien que ça te coûte par c'est heure. C'est sûr, si je compare à quand j'allais à l'arcade dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est plus cher, puis en plus tu l'as dans ton cell, fait que tu peux jouer une autre 2 heures quand tu veux. Je voulais juste dire qu'il faudrait qu'on fasse ça comme un sujet une fois. Peut-être parler de ces jeux-là, là, parce que je pense qu'on on y goûte tout de ces temps-ci. Ouais. Là, puis même ben, moi, je pense que ça va être bon d'en parler justement, puis de savoir un peu comment que ça s'en vient, parce que ça serait stupide de pas. Admettre qu'un iPad, un iPhone est rendu une plateforme de gaming. C'est une des c'est plus grosses plateformes des, en ce moment. Ben, c'est une des plus utilisées présentement. Mm-hmm. Mais tu sais, le niveau de jeu là-dessus, ça sera peut-être de débattre du niveau. Pour l'instant, c'est limité. Là. Même des jeux à 5$, là, j'ai first peur de payer 5$ pour. Puis je trouve la réaction est moins là. Là. C'est, ouais, c'est ça le Final Fantasy 3 au complet, son affaire, là, complètement fonctionnelle. Bard's Tale. Donc, que j'ai payé 2$, je m'excuse, je dérape là. Bonjour, j'ai acheté. Donc oui, excuse, merci. J'ai le temps, hein? Vous pouvez faire le show d'après tout de suite. Non, mais c'est pas vrai. Ça vous sauverait une semaine de job, peut-être. Tant qu'à t'inviter, tu sais, on va te faire parler un peu, des choses comme ça. Michel, t'es venu avec nous autres cette semaine, dans le fond, puis il y a une petite thématique cachée avec ça, c'est que la semaine prochaine, on quitte pour Ottawa Comic Con. on va aller faire un peu de repérage là-bas, couvrir l'événement, les choses comme ça. Puis on connaît certaines choses de BD, comme tu as pu le remarquer en écoutant notre podcast et en étant déçu sauf, de nous à certaines Miller. Reprises. J'ai abandonné vite, peut-être. Ben écoute, je te comprends, honnêtement. Par contre, ben regarde, on a voulu t'avoir avec nous pour cette raison-là un peu. C'est peut-être rehausser nous la notoriété, nous remettre à jour, tu sais, nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Là, t'assumes que le monde qui travaille à mon niveau dans la bande dessinée se font dire ce qui se passe. Ce qui est assumé beaucoup. OK. Ben, regarde, à ce moment-là, j'ai préparé un petit questionnaire. Puis on pourrait peut-être commencer avec la première question. Mais... Fait qu'est-ce qui arrive dans Avengers 2? T'as-tu vu la réaction de Joss Whedon quand il est allé voir Iron Man 3? Il était pas au courant de qu'est-ce qui se passait, Il est allé voir Iron Man 3, il est sorti, puis la première affaire qu'il a dit, c'est « Qu'est-ce que je suis supposé faire dans Avengers 2, moi, là? » Parce que Iron Man 3, dans le sens qu'Iron Man 3, c'est tellement bon qu'il vient de se faire fourrer parce qu'il faut qu'il fasse mieux dans Avengers 2. Ouais. Ça fait 6 fois que ça s'entend. C'est une 6 bébé fuck, man. Mais bon, parce que, on s'entend que ça sonne un petit peu comme du PR, un peu, là, quelque part. Ben, c'est sûr qu'il travaille pour la compagnie. Mais c'est tu dis à quelque part, mais c'est tu dis comment est-ce que le gars qui a écrit Lethal Weapon a pu faire ça? C'est-tu le writer, de Lethal Weapon? Attends, on parle Lethal Weapon 2 ou Lethal Weapon 3? Lethal Weapon, l'original, tout. Le writer de ça, c'est lui qui a réalisé Iron Man. Son film Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, ok. On l'a vu, ça c'était un de ses premiers directeurs au début. Je pense que c'est l'autre qui est devenu ami avec Mr. Iron Man lui-même. Mais ouais, en tout cas, excuse-moi. Wow. Je sais pas, quoi ta première question, mais on présente-tu bien, Michel? Tu me laisses poser ma première question, tu vas comprendre. Okay. Vas-y, excuse de ma question. Non, c'est correct. Alors, ça, la première question, qui est maintenant la deuxième. Qui est Michel Lacombe? Ah, j'avais tellement peur que tu lises vraiment. C'est parce que... Bonjour, c'est moi. Salut, je suis Michel Lacombe. Tu sais, comme une présentation orale, là. Ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Michel Lacombe, je dessine des bonhommes, puis j'écris des histoires où ce qui leur arrive d'habitude, c'est pas le fun pour eux autres. Puis à part de ça, ben j'ai une femme puis 4 chats. En fait, j'ai une maison de retraite de chats. Il y a 3 de mes chats qui ont au-dessus de 10 ans. Wow. Ça commence à être maison de retraite un petit peu là. OK. Le plus vieux est assez vieux pour voter. Wow. Tu cherches un loyer ou... Ce serait gênant parce qu'un chat de 18 ans, c'est comme ça, c'est comme un être humain qui a 85 ans. Oh. Fait que il est plus ça chiale toute la journée. Il est plus super vite. Il est pas trop pire, il a des propos, mais c'est un matou. C'est le seul matou que j'ai jamais eu d'ailleurs. C'est un beau gros matou blanc poilu. Il est super fin. Les matous sont cool. Il est super gentil. Il est rendu aveugle depuis une couple d'années. Oh. Ce qui fait qu'on avait déjà décidé de plus déménager, puis c'est une bonne affaire, parce que là, il sait où est tout. Je l'ai amené ailleurs une journée qu'il fallait qu'on le sorte de l'appartement, puis quand il s'amène ailleurs, ben là, faut qu'il marche le long des murs, puis qu'il retrouve à l'odeur c'est quoi qui est où, what the fuck. Fait qu'on va essayer de pas déménager pendant une dizaine d'années, là. Fait que c'est ça, voilà. Alors c'est Michel Lacombe. Michel Lacombe est beaucoup plus intéressé par ses chats que par n'importe quoi d'autre. N'importe quelle question que vous me posez au sujet de n'importe quoi, va probablement revenir au chat assez facilement. Il faut peut-être m'interrompre si je me mets à parler de chat. En fait, t'aurais dû mettre une photo de petit minou à placer ta photo de bébé phoque pour m'empêcher de varger sur la table. Les auditeurs savent pas de quoi je parle. Faut pas taper sur la table, mais mes amis auditeurs, si jamais vous êtes invité à un podcast, faut pas rien frapper parce que ça fait brasser les micros. Et un bébé fuck qui meurt. Ils ont une petite photo de bébé fuck qui me montre à chaque fois que je tape sur la table accidentellement pour me dire qu'il y a un bébé fuck qui meurt à chaque fois que je tape sur la table. Ça aurait été plus efficace probablement un petit chat parce que j'arrête pas, ça fait 12 fois que je tape sur la table. Ben écoute, avec les miracles d'internet, on peut toujours un 5 minutes, il va sortir. Non, je serais pas capable, j'aime les chats moi aussi. Ah, fait que pas les bébés fuck, tu t'en fous, ok, c'est cool ça. Il y a Brigitte Bardot qui va te tomber sur la tête tout à l'heure. Mais... On va recevoir encore des emails de plaintes de Brigitte Bardot. Honnêtement, si Brigitte Bardot nous contacte. Si Brigitte Bardot écoute le podcast, tu vas tellement être content. Ben, c'est ça, fou, je vais juste comme. J'ai envoyé un t-shirt qu'elle signe. Puis... Bon, fait qu'autrement dit, t'as dit que tu dessinais des bonhommes, puis t'écrivais des histoires. Je savais que tu t'en foutais des chats. Non, ben j'aime les chats aussi. Dessines-tu tes chats? À la limite, on te fera un top félin d'ici la fin du podcast. Mais tu dessines des bonhommes. C'est quoi dessiner des bonhommes, autrement dit? C'est quel genre de bonhomme? Ton parcours, c'est quoi? J'ai commencé tard pour... pour la moyenne du monde qui veulent faire des petits comics, j'ai commencé sérieusement à essayer de dessiner comme du monde vraiment très tard. J'étais au cégep. OK. Fait que j'ai commencé dans le journal étudiant du cégep. Puis j'essayais de faire mon strip de petit bonhomme. Puis j'essayais aussi de faire des caricatures. Ça marchait moyen parce que ils disent que les 1000 premiers dessins que tu fais, ou les 10 000, en tout cas un maudit gros chiffre de premiers dessins que tu fais, vont tous être lettres. C'est vrai. Puis la plupart des dessinateurs se débarrassent de ça entre l'âge de 13 puis de 16 ans. Fait quand tu arrives au cégep, ça commence déjà à être dessin. Quand tu commences au cégep, ben tu passes ton cégep à avoir l'air fou. Tu dessinais pas pantoute avant ça? Ou plus professionnellement? J'ai fait vaguement les portraits de mes profs quand c'était trop boring dans la classe au secondaire, dans mon agenda, sur chacun un centimètre de haut, dans le petit carreau qui représente un jour sur la page de les 31 jours du mois. C'est l'étendue de ce qui peut être retrouvé de moi d'avant cette époque-là. J'ai pas fait grand-chose avant. Je recopiais le petit bonhomme dans le coin en haut à gauche des comics Marvel traduits par Héritage, là. Le Spider-Man, je pense que je peux encore le faire par cœur. Mais dessiner quelque chose, réfléchir à comment dessiner à partir de rien quelque chose que moi j'ai inventé, là, j'ai commencé au cégep. Quand j'étais au cégep, j'ai rencontré Yannick Champoux qui m'a présenté Yannick Paquette. Puis je suis allé. Ils ont fait un clan de Yannick? Ouais, ben c'était. J'étais la personne qui a l'air super bête quand j'avais 18 ans parce que j'appelais mes deux meilleurs amis par leur nom de famille parce qu'ils avaient le même prénom. OK, fait que dans le fond, t'étais vraiment sympathique puis t'avais un souci de pas froisser les gens. Non, puis... mais j'avais pas le choix parce que si tu disais Yannick, les deux se retournaient. Écoute, j'étais toujours moins pire. Il y a un des deux Yannick qui avait une blonde qui, quand elle téléphonait, puis c'était l'autre Yannick qui répondait. Elle disait, passe-moi le vrai Yannick. Fait que je trouve que les appeler par le nom de famille, c'était pas si pire. Toi, t'es pas ça, vrai. C'est qui le vrai, c'est qui le faux. Ils habitaient ensemble en plus. Ouais. Tu courais après le trouble, ça me semble. Ça, c'est plus touché. Hey, Yannick, ouais. C'est pas c'est lequel t'appelles. Fait que Yannick pis moi, on a passé 2 ans à vivre dans le même appartement puis à passer dormir la nuit pour dessiner plus. Fait que j'ai rattrapé mon retard un petit peu. Yannick a commencé à avoir une carrière de faire de la bande dessinée puis j'ai éventuellement, moi, commencé à avoir une carrière de travailler dans des studios d'animation. Je suis rentré chez Cinar en 97. Fait que j'ai commencé à 23 ans à gagner ma vie en faisant des dessins. J'y faisais un petit peu de BD pour les compagnies qui payaient passer pour que je vive autour de cette époque-là. J'ai ancré un petit peu Yannick. La première fois qu'on m'a payé pour la peine pour faire des comics, c'était des comics de Star Wars en 2004. Ce qui est très ironique parce que je suis à peu près la seule personne de ma génération qui aime pas Star Wars. En fait, tu t'entendrais probablement bien avec Nick. Ben, on est apparemment deux. Puis Nick, il est pas loin de ton âge non plus. Mais je suis curieux que ça vient à pas être fan de Star Wars de ta génération. C'est quoi que t'aimais pendant cette période-là? Comme on dit, les années 80, c'est quoi qui faisait triper? Robocop? Les Transformers. Je trippais super fort ces Transformers, le cartoon à la TV. Je me suis levé par hasard le matin, et je me suis levé un matin et j'ai allumé la TV par hasard. J'ai allumé la TV à la seconde que le pilote de Transformers commençait. Wow. Et j'étais hooked tout de suite. Tu t'en souviens du moment? Ouais. Ben, c'est cool. Donc, pour les gens à la maison, on vient de faire un estimé approximatif de l'âge. Je suis en 1973, je vais avoir 40 ans, ce sera pas long. Si vous n'aviez pas déjà suivi avec le cégep en 92, là. J'avais 6 ans en passant quand t'es allé au cégep. J'avais 13 ans, ça te fait sentir mieux. Je prends toute la spike de ta vengeance de quand je partais à rire tout à l'heure quand t'as dit quelque chose de 15 ans, c'est vieux. Ouais, c'est ça. OK. Fait que t'as aimé les Transformers, là? Ouais, ben ça, ta question, c'était sur quoi je trippais quand je trippais pas sur Star Wars. Je trippais sur les Transformers, je trippais au cinéma. Je trippais à l'époque sur Superman parce que je comprenais pas ce qu'il disait. Et j'ai réécouté les Superman et je suis plus capable aujourd'hui parce que c'est tellement... C'est explosivement sexiste. Ma femme les avait pas vus. Puis moi non plus, je les avais pas vus depuis que je les avais vus à l'époque. Je fais, bon, on va regarder ça. Puis j'étais comme... Ah! You can fly! You belong in the sky. Ah! On n'a pas été capable de, on a pas été capable de passer à travers. On l'a coupé à moitié du premier parce qu'on était trop offensé. C'est une femme simple. Ah, c'est supposé être une journaliste. Non, je suis comme journaliste émérite. Moi, je m'en souvenais pas parce que j'ai continué à lire les comics tout le long des années 90 puis 2000 où que tranquillement pas vite c'était écrit par des adultes qui supposaient que peut-être des adultes allaient lire puis peut-être que c'était plus le temps d'être sexiste là, comme en 1975 là. Ici, à la fin des années 80. Ben c'est ça, on parle de tout le monde qui peut avoir une discussion puis que ça a du bon sens de te marier avec puis d'avoir une vie mariée, etc. Là, fait que. Cool. Oh non, je vais tomber en bas de la bâtisse comme une épaisse maintenant. C'était comme c'était intolérable à regarder. Fait que c'est triste. Mon respect pour Christopher Reeve est intact parce que c'est pas de sa faute et il continue d'être la seule personne qui a tout le temps fait la meilleure job possible. Mais Donner qui mange même dans à travers le cul, ouais. Ben... Non, c'est pas un quoi? C'est Donner, l'époque au complet était probablement horrible là. Mais c'est plus endurable. Il a pas été intemporel. Mais quand j'étais kid, j'aimais ça. Moi, j'adore, ouais. Star Wars, l'affaire, c'est que, premièrement, je l'ai vu dans le désordre. Je pense que j'ai vu Return of the Jedi en premier. J'avais un jouet R2-D2 téléguidé quand j'avais 6 ans, mais je savais pas c'était quoi, à part d'être mon petit jouet qui a l'air d'une poubelle robot, puis qui est cool, puis qui est beau, puis que je prenais dans la maison. Mais ça aurait été un truc, puis j'aurais eu la même affection pour. Mais j'ai seulement découvert que c'était une affaire de film, éventuellement, des années plus tard. Puis j'ai vu les films comme dans le désordre. Fait que ça a pas, dans ma tête, ça a pas accroché. Fait que la première fois que je les ai vus pour la peine, j'étais rendu assez grand pour faire conte de fées un petit peu poche. Western. Boring, là. Non, j'avoue. Fait que les Ewoks, ça t'a pas marqué, ouais. Et en 2004, Clément Sauvé, qui est supposé de dessiner un comic de Star Wars, finit par pas avoir le temps ou à mesure que le script va arriver en retard, puis décide de se désister. Serge Lapointe, qui a ancré le comic en question, dit au monde chez Dark Horse qu'il y a un gars qui s'appelle Michel Lacombe qui existe puis qui pourrait le faire à la place. Le monde chez Dark Horse, à ce moment-là, n'a plus beaucoup de temps pour trouver quelqu'un, fait qu'ils disent... OK, on va essayer, puis on va espérer qu'on ne vient pas de faire une erreur grave. Je dors pas pendant 3 semaines. J'ai réussi à faire le deadline qui est rendu semi-possible. Puis ça les a assez impressionnés que j'ai fait du Star Wars pendant l'année qui a suivi. Okay. C'est quand même trippant, ça, c'est cool. Toi, t'as dû être fier. Ben, j'étais content d'avoir une job de bande dessinée. Là. Entendons-nous. Je suis pas un tripeux de Star Wars, mais j'étais content d'avoir une vraie job de bande dessinée, que je gagnais ma vie. T'as pas fait tes 1000 dessins pour rien, là. C'est ça, là. Ben, j'avais déjà pas fait mes 1000 dessins pour rien, parce que travaillant en animation, je gagnais ma vie pareil, là. Mais avec une indifférence de gars de bureau la plupart du temps. Okay. T'as différent. Fait que, pour être indiscret, mais avant ta première vraie job indépendante, c'est quel genre de projet que t'as travaillé tu avant en dessin? Ouais, sur Cinar. Alors, chez Cinar, là, t'as travaillé sur quoi? Ma première job en animation, je suis rentré au début de la prod de la première saison de Caillou. Oh. Okay, puis la façon que je suis rentré, c'est en fait, avant ça, je prenais des affaires freelance où que je pouvais. Puis à un moment donné, j'ai fait mon graphisme au Collège Salette. Puis il y a un des gars dans la classe qu'il y avait. Je dessinais bien, fait qu'il me rappelait des fois quand il y avait un job à faire, qu'il m'aidait du dessin. Fait qu'à tous les 6 mois, ce gars-là me rappelait, il disait, hey, j'ai une job, peux-tu faire ça? Puis à un moment donné, il m'a appelé pour faire des décors pour une animation dans une pub. Oui, non, continue. Puis. J'ai fait ça. Vous cassez son flow. Je check si ma bière est correcte aussi, moi aussi, pendant qu'il est là. Mais non, je suis correct, moi, merci. J'ai fait ça, puis j'ai demandé à un de mes chums de m'aider. Puis je me plaignais à mon chum que j'étais à préparer de faim. Puis il regarde ça, il dit, t'es-tu déjà allé dans un studio d'animation, là, proposé de faire des corps pour ça? J'ai dit, d'autres, je sais même pas c'est quoi un studio d'animation. Il dit, OK, il m'a donné l'adresse de Cinar. Il dit, va là, amène ton portfolio, demande là s'ils ont besoin de quelque chose. Fait que je suis arrivé chez Cinar en n'ayant aucune idée. Je dis, allô, là, j'ai ouvert mon portfolio en avant de la. Je suis arrivé, la secrétaire a dit, ben, montre-moi ton portfolio avant que je. Habitué de virer de bord. La secrétaire, c'est la filtreuse. Elle est habituée de virer de bord. Dans le fond, c'est elle, la VP de la place. Mais elle s'assied en avant pour déjouer le monde. C'est pas, là. Dans l'émission, c'est de même. J'ai mon portfolio, elle ouvre mon portfolio, puis j'attends, puis j'ai aucune idée, puis je m'attends à me faire calisser dehors, honnêtement. Puis elle est mon portfolio au complet. Jusqu'à la fin, elle dit, est-ce que vous pouvez attendre 2 minutes? Puis elle s'en va chercher le gérant du plancher puis le réalisateur de Snore. Puis j'ai travaillé en animation pendant 7 ans après ça. Wow! Mais c'est cool ça quand même. Fait que ouais, c'est bon, elle cool. Mais pour une leçon pour quelqu'un qui commence, c'est pas peur de plonger quand il sait faire comme ça. T'as les skills aussi. Ben, c'est ça, développe. Naturellement, mais je veux dire, une fois que. En tout cas, je pense que je comprends ce que tu dis. Les deux choses sont importantes, puis. J'ai vu du monde qui ont seulement une des deux à la fois, puis qui pensent que c'est assez, ou que. C'est même dans toutes, là. Ben, ça, dans la première situation, c'est que je connais du monde qui sont vraiment très bons, puis qui le savent pas, puis qui osent pas. Puis ça, c'est d'une tristesse infinie. Ouais. Ça, c'est vraiment triste. La deuxième situation existe aussi, du monde qui l'ont pas, mais que oui, ils ont le drive, puis oui, ils vont être dans la face des producteurs, puis leur montrer leur affaire qui est pas bonne, sans relâche et à répétition, puis ça, c'est du monde détestable. Ouais. Fait qu'il faut que tu, je sais pas, faut que tu obtiennes un jugement extérieur sur ce que tu fais, c'est-tu valide ou pas, puis faut que tu, en même temps, faut que tu choisisses ton jugement extérieur parce que des haters, ça existe aussi. Puis si tu les écoutes, tu vas te casser en bas d'un pont. Fait que c'est dur. C'est dur à moyenner le... J'hésite. Je suis rendu que j'hésite à encourager, faire « Oui, cheerleader, t'es capable, le monde! » Parce que j'ai vu du monde qui sont pas capables, mais qui se font des nuisances de ils ont même. La drive, mais ils ont pas le talent pour le backer. Là. Un peu comme M. Night Shyamalan ouais, après ont... Sixth Sense. Là. C'est plus... Il y a du monde qui ont pas la drive de faire le travail, mais ils ont la drive d'aller cœurer le monde pour se faire donner une job qu'ils méritent pas. Ouais, je comprends. Le monde succombe quasiment. C'est comme... tu veux pas être ce gars-là, ouais. Parce que vraiment... Ils font le PR, ça, puis... Et... Ouais. Ça passe pareil. Malheureusement. Non, fait que Star Wars... Fait que Star Wars... T'as fait qui d'autre après Star Wars? J'ai fait Star Wars pendant un an, puis après ça, je me suis fait traîner d'une convention à New York par Yannick Paquette qui m'a présenté Axel Alonso, puis qui m'a présenté du monde de chez DC. Fait que j'ai fait un Green Lantern, puis j'ai fait un an de Punisher. Une série ou un ben, j'ai un fait livre? J'ai fait un annuel, puis après ça, j'ai fait un 6 mois de Punisher. Fait que il existe un trade de Punisher que c'est juste moi le dessinateur. Ah ouais, cool. J'ai fait un comic de Green Lantern dans ma vie, puis ça a été tout pour DC en tant que dessinateur. Puis après ça, ça a pas mal séché, fait que je suis un has-been. Tu fais-tu les deux dans le sens le dessin puis l'ancrage? Quand la je couleur, dessine ou... moi-même, j'ancre. La couleur, non. La couleur, je le fais sur mes affaires qui m'appartiennent, puis que si ça arrive en retard, ça n'engage que moi, mais c'est fisé. C'est possible pour Daniel Acuna, puis pour... j'ai oublié son nom. Hein? J'aurais dû aussi... Il y a deux gars qui font tout au complet le dessin et la couleur présentement pour DC Comics. Wow. Dont un qui a fait bien des shades dernièrement. Moi, au début, je comprenais pas la différence vraiment entre les deux. Ben, oui, je vois chez la différence, mais je veux dire, pourquoi quelqu'un qui... C'est entièrement la vitesse. C'est j'ai entièrement... appris ça Chasing Amy, fait que... Ben, c'est ça. Chasing Amy a appris au monde c'est quoi, mais je pense qu'il souligne pas que le problème, c'est qu'il faut qu'on aille vite. Ouais. C'est qu'il faut qu'il y ait 22 pages par mois qui sortent. Wow. C'est 5 pages par semaine. Fait que, c'est intense. On est au point où chez DC Comics, ils commencent à considérer d'avoir un layout artist et un penciler et un encreur sur chaque livre pour être sûr que les livres sortent mois après mois après mois puis que c'est tout le temps la même équipe. Y a-t-il des étapes à monter, genre l'encreur va devenir un illustrateur ou ça n'a pas rapport, c'est pas un qui est moins bon encore qui est pas prêt ou je sais pas quoi. Non, tu... c'est pas Y a-t-il une hiérarchie là-dedans, là, tu sais de... Y a une hiérarchie salariale. OK. Sauf que il y a du monde qui sont juste des excellents encreurs mais qui sont pas excellents pencilers, fait qu'il y a pas de puis plus tu passes ton temps à faire rien d'autre qu'ancrer, tu dessines pas pendant ce temps-là. Ouais, mais fait que tu perds la main un fait petit que peu que tu fais si rien tu du fais remplissage, ça longue, tu fais juste remplir puis non, c'est plus intelligent que ça quand même de faire de l'ancrage, mais pendant que tu fais de l'ancrage, ben non, pendant, tu viens en fait de faire exactement la joke de dans Chasing Amy qui finit par une bataille à coups de poing. Chasing Amy, il faudrait que tu le vois juste pour ça. Tant qu'on frappe pas sur la table, c'est correct. C'est Ben Affleck en plus, il juste all you do is you put in the colors. No. Non, c'est un des c'est pas Ben Affleck qui dit c'est ça quand même là. C'est un gars d'une convention. Qui vient le voir et qui dit tu veux pas mon orthographe et comme ouais, non, tu veux juste rappeler les couleurs. Non. Fait que non, il y a pas vraiment d'espoir d'espoir. Si toi tu es capable de faire plusieurs jobs, tu vas postuler pour plusieurs jobs puis tu vas peut-être les avoir, mais c'est pas une nécessité universelle, c'est pas Mais à t'entendre parler, t'en voudrais pas deux en même temps des jobs là. À t'entendre parler là à 5 pages semaine puis si tu fais tout le stock au complet. Non, mais ça, ce qui demandait, c'est. J'imagine que c'est ça qu'il demandait. Tu peux-tu passer 6 mois être encreur, puis après ça, espérer que tu vas être penciller après ta job. Tu es encreur, puis t'espères monter, puis c'est juste parce que t'es moins bon que l'illustrateur original, ou je sais pas comment dire ça. C'est pas juste parce que t'es moins bon, c'est parce que t'es capable de faire la job dont ils ont besoin. C'est vraiment la vitesse, comme tu dis, puis le. C'est ça. Il est pas moins bon nécessairement. Puis, non. Les coloristes commencent à avoir des problèmes salariales, incidemment, parce qu'ils commencent à se faire payer moins cher. À cause de ça. Non, mais les ventes baissent de comics depuis sur une échelle de depuis 20 ans puis 30 ans, les ventes baissent tout le temps. Puis les compagnies essayent de couper dans leurs coûts, fait qu'ils baissent les salaires. Les coloristes maintenant chez DC ne reçoivent pas de royauté sur les ventes de livres. Les livres vendent beaucoup. Chez Marvel, ils en reçoivent encore. Fait que t'es payé au numéro quasiment que tu vends. T'es payé de la page. Ce que ta paye quand tu travailles sur un comic, t'es payé de la page. Si t'as des royautés en plus, ton salaire de la page est considéré comme une avance non remboursable sur tes royautés. C'est ce que ça veut dire, c'est si jamais le comic vend plus que X copies, qui d'habitude est 40 000 ou 50 000, à partir de ce nombre-là de copies vendues, tu vas commencer à recevoir un chèque de royauté. Il y a des avocats qui ont bien pensé à leur affaire là-dessus. Wow. Ben, économiquement, c'est une bonne façon de survivre. Ouais. Puis, mais ça doit arriver de moins en moins que ça vend en haut de ce numéro-là, de ce chiffre-là. Présentement, le top 10, je pense, drop en bas de 50 000 avant d'arriver à 10. Le top vendeur dans un mois pète des fois 100 000. Mais pas à toi et moi. Ils sont pas en train d'essayer de s'adapter un petit peu aux nouveaux médias aussi en même temps. Je veux dire, à quelque part, ils font des applications qui fonctionnent pas, puis des affaires de même. Tu vas acheter. Non, mais je veux dire, t'as des gars en ce moment qui font de l'argent avec des ad revenue en faisant Penny Arcade, par exemple. Je veux dire, il y a une manière de rentabiliser ça d'une manière, mais on dirait qu'ils sont encore dans la vieille mentalité un peu. Ou... Ils commencent à avoir des sites web qui vendent des comics. J'ai reçu mon premier chèque de royauté de comic sur le web. Félicitations. Je suis bien content. C'est mieux qu'une facture. C'est mieux qu'une facture. J'aime mieux ça qu'une facture. C'est là que le non remboursable que j'ai dit tout à l'heure, ça que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent pas t'envoyer un bill pour te couper la paye flat qu'ils t'ont donné au premier. Non, ça c'est sûr. Non, mais je trouve ça plate quand même. Je pensais qu'il s'adapterait plus. Je pense qu'il considère ça un peu. J'ai travaillé, j'étais l'encreur sur les 5 premiers numéros de Batman Inc. qui ont vendu, qui ont busté sans Ils sont juste en ligne, ça? C'est là ou? Non, Batman Inc. Le comic qui est sur papier. C'est pas ça qu'un Batman dans chaque pays du monde puis essaie de faire comme l'Alliance. C'est Bruce Wayne qui décide de... Il dit pas qu'il est Batman en public, mais il dit en public qu'il finance Batman... Puis qui a décidé qu'il va financer un Batman dans chaque bro. Il va franchiser Batman. Franchiser. Fait qu'il va faire Batman le tour. Inc. Il fait le tour du monde. Puis il paye. Il offre à des super-héros de franchiser. Des fois, c'est des super-héros qui existent déjà. Des fois, il les installe lui-même. C'est à quel moment est-ce qu'il réalise qu'il a fait la mauvaise décision. Puis qu'il y a des gens qui meurent pour rien. Là? Il y a des gens qui meurent, mais c'est pas parce qu'il a fait la mauvaise décision, c'est parce que... Les franchisés, ils se font-tu fourrer un moment donné, tu sais, ils disent « maudit photo de j'achète mes Batarang à Bruce Wayne, pis il faut qu'il prenne lui comme fournisseur, pis il dit c'est pas rentable cette affaire-là, pis... » Ça, c'est Soot Milter qui parle. Non, mais tu sais, ils chiolent tout le temps, les franchisés, « bon, faut que je me fournis à leur place, pis... » Fait que tu sais, c'est juste une façon, dans le fond, d'acheter le stock à Bruce Wayne, toutes les Bat Bombs. Wayne Enterprises. Les Warner des deux. Est-ce que c'est discuté dans. Mais ce que je pense que. c'est quand même Grant Morrison, fait que je suis sûr qu'il a fait ces jokes-là, parce que pourquoi est-ce que Grant Morrison s'en retiendrait? C'est sûr qu'il va y passer, là. À un moment donné, là. Mais c'est vrai que tu vois que, en parlant avec toi, puis surtout en t'écoutant, c'est là que tu réalises que, tu sais, c'est l'industrie du comic. On a tendance à dire c'est les comics. Non, non, c'est l'industrie du comic. Tu sais, les ventes en déclin, l'internet affecte, telle affaire. Ben, c'est sûr. Bel business, mais. C'est sûr que c'est pas romantique pour la fan de se faire expliquer ça, là. Non, mais c'est réel. Mais moi, je contemple ma job ou présentement mon absence de job. Puis c'est ça la réalité qui se passe. Mais c'est super intéressant. Par contre, la culture du comic est comme plus grosse que jamais. Ben oui. Moi, j'étais tout seul quand j'étais jeune, puis j'achetais mes comics à 13 jusqu'à même 17 ans. Là, je les achetais tous. Tu veux que je te dise pourquoi? Ok, go. Dis-moi ça, Mel. Explique-y. C'est ce que je pense. Il n'y avait personne dans le temps. Là, tout le monde scanne les comics, les mondes nains. Fait que le monde les lit sur Internet au lieu de les acheter. Non, mais il y a une manière de monétiser ça. Là. Je comprends pas pourquoi que c'est pas. Comment est-ce que les gars. Tu quoi pour... Parce que tu mets ton comic sur freaking Brad Bay. Mais au pire des cas, tu le fais être disponible en ligne direct. Puis tu as du ad revenue. Il y a des manières. Pourquoi je paierais pas quand je peux le voir gratuitement? Non, mais je. Ah, mais on s'attend. Mais je dis, mettons une personne qui pense que. Pourquoi je paierais quand je peux l'avoir gratos sur, en lisant sur Ben wow. gratos avec une publicité du je sais pas du nouveau Chrysler Envy Char le car là, whatever. Mais tu l'as vu, regarde, il perdrait toutes les ventes papier en faisant ça. Ouais, mais Mel, toutes les ventes là, puis tu le quittes, puis ou l'absence de, tu sais, la compagnie là, c'est les salaires qui a baissé là. Elle va commencer par couper ses salaires, couper ses coûts, couper ses affaires de même. Le monde, qui va les dessiner à maner les comics? C'est bien beau, mais personne. Il va falloir que le monde se conscientise à un moment donné. Puis non, moi, j'aime les initiatives. Je suis fait d'accord. C'est juste que ce que la personne, l'humain moyen pense, c'est... Mais en fait, ça dépend parce que je pense que... Puis corrigez-moi si je me trompe, mais ça vient un peu avec l'âge aussi. Tu sais, c'est comme... Ouais, non, c'est sûr. T'es plus jeune, t'as moins de cash, tu pirates beaucoup. Puis à un moment donné, tu réalises justement, hey, s'ils se font pas payer, il n'aura plus... Tu sais, t'as des nouvelles initiatives, regarde Marvel Universe Unlimited, là, okay, que j'ai jamais pu m'abonner parce que apparemment j'ai pas le bon code postal pour ma carte de crédit. Là. Mais c'est 60$ pour un an, t'as accès à un paquet de back catalogue. Apparemment, il manque des morceaux et des affaires de main. Regarde, moi, je connais pas ça. Ben c'est ça, mais regarde, moi, là, le consommateur moyen, que j'aime ça, mais que ça fait des années que j'en ai pas lu. Mon 60$ par année, là. C'est comme un Netflix rentabiliser de BD, comme ça se peut là. Pas, là. Mais c'est ça, mais pis ça, ça ben, se fait au film en c'est ce moment du cash. Aussi. Ouais. C'est du cash que ça remet dans l'industrie, tu sais. C'est l'affaire que je reproche, comme tu dis, c'est moi, c'est tout ce que j'ai essayé, les applications de BD gratis, ils plantent. Je sais pas si c'est passé pas au Canada ou quelque lui, chose. Mais lui, il marche bien, par exemple. Jamais. Marvel Unlimited. Ouais, il mais t'es pas capable bien. De t'inscrire parce que ton code postal. Quand je dis il plante, c'est pas hygiène. Ça, c'est même quoi, pas l'application. T'es pas capable de fonctionner avec. Là. Mais le code postal, c'est même pas l'application parce que tu peux pas t'abonner. C'est la façon pour t'inscrire. C'est leur site web. Ouais. Que tu le pars, puis je l'ai essayé avec Google Chrome, Firefox, et j'ai vraiment honte de l'admettre, mais j'ai parti Internet Explorer. Je m'excuse. Mais j'ai parti Internet Explorer. Je me suis dit, c'est pas compatible avec ça. C'est peut-être eux autres le problème. Et comme de fait, mon code postal, il ne fit pas avec ma carte de crédit, apparemment. Mais pourquoi qu'on parle pas des vraies choses là, quand ça vient au comic? Là? Pourquoi est-ce que je peux pas payer le Christie de prix américain sur mon trade paperback? Mais techniquement, tu peux. Transport. Où est-ce que tu achètes tes comics? Je sais, je suis allé à Millennium et vend au prix américain. C'est exactement ce que j'ai dit. Comixology aussi, je pense qu'il va mais j'ai parce que qu'est-ce qu'il y a, c'est que souvent, je vais voir un film en ville puis je pire au fucking Chapters avec ma femme. Puis elle est dans ses livres de cuisine, cupcake. Moi, j'étais en haut en train de me chercher pour 2-3 parce que je vais vous avouer, là, j'ai retombé en amour avec les comics à cause des trade paperbacks. J'ai rien contre les monthly. Trade paperbacks, c'est quoi ça? C'est genre 3 numéro 1. C'est la série au complet. Là, six, okay. D'habitude. Parce que 6 d'habitude. Ok, 6. Puis ça, j'adore un trade paperback. C'est une histoire complète. Moi, ma collection de trade paperbacks, je suis bien content avec. Puis il y a un marché pour les trade paperbacks. Moi, je trouve que c'est. Vraiment. En tout cas, ça le dit. Mais quand je vais au chapter, j'ai toujours le Christ pré-américain qui m'agace. Mais après ça, finalement, je m'arrive au Millennium. Puis je comprends ce que ça veut dire pour Millennium. Mais en tout cas, c'est quand même une question importante. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y a juste pas ça dans des places comme Chapters. Là. Je comprends pas en tout. Moi, ma conclusion, c'est d'aller acheter mes comics chez Millennium. Puis quand je vais chez Chapters, je m'en vais me perdre dans la section Terry Pratchett. Puis je vais même pas dans la section des comics. This world! Ok, non. Point Michel. C'est... Ouais. Donc, Millennium. Ben, Millennium, j'en ai parlé, moi. Ça, j'adore cette place-là. C'est une belle petite place. Ouais, c'est un magasin de comics qui est à un coin de rue au sud du métro Mont-Royal. Ah, j'ai déjà été là. C'est beau, c'est cool comme place. Ouais, pis ça, c'est legit. C'est hein, très les gars, là, nerd, underground. Ils doivent faire le Free Comic Book Day samedi, Marianne, eux ça? Autres. Ouais, Marianne, puis Rivard. J'étais une fois là. Ouais, c'est ça. Excellent. Que j'ai découvert Batman Year One là-bas que je savais pas qu'il existait quand. Moi, je pensais juste au premier Frank Miller. Mais pour moi, c'était le Batman Dark Knight Returns, mais le Year One, j'étais même pas au courant. Full disclosure, j'ai mangé une fin de semaine seulement parce que le propriétaire m'a passé 20$. Je venais de me faire voler mon portefeuille avec toutes mes cartes dedans, puis c'était vendredi soir, fait que je pouvais pas aller à la banque. Puis il t'a donné 20$? Ben, j'ai bombé 20$, là. Je suis passé par là, puis il m'a passé 20$ quand j'ai compté ça, là. J'ai fait comme, je sais plus trop quoi faire ma fin de semaine, là. Il n'y a plus rien dans mon frigidaire, je vais me faire bomber mon portefeuille d'une case de gymnase. J'ai plus de cash, j'ai plus de carte de plus banque, de carte, j'ai plus rien. Ah, puis tout est fermé, les comptes bancaires. Tout est fermé, je peux pas aller à la banque me faire une carte pour tirer du cash. Je sais pas trop quoi faire, puis il m'a passé 20$. Fait qu'il y a une fin de semaine où j'ai mangé grâce à Jean-Bernard Vidal, le propriétaire du Millennium. Merci! Merci beaucoup. Christy de gymnase, puis locker de gymnase du plateau. La seule fois de ma vie, j'étais pas au plateau, j'étais dans. Non, t'étais au plateau, tu l'as dit. Non, j'étais au. J'étais dans un centre sportif dans le nord de la ville. J'étais un gros centre sportif qui est super célèbre. Donc, j'aurais me souvenir du nom, sauf que j'ai 40 ans et mon cerveau est tout séché. T'as pas 40 ans encore, là, on l'a appris tantôt. Ce sera pas long, man. Bientôt. Faut que je m'habitue tout de suite parce que je vais me lever un matin et je vais avoir 40 ans. Ah, c'est demain ta fête? Non, il a dit un matin, pas demain. À mon âge, ça passe vite. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël à tous les deux semaines. Regarde, on va essayer de faire sortir quelque chose que tu devrais te souvenir. C'est quoi ton plus grand accomplissement que tu as fait? Si tu parles de comic, de ce que je suis le plus fier, je dirais le tome 2 de l'Académie des chasseurs de primes du côté de l'écriture, qui est dessiné par Benoît Godbout. Mais qu'est-ce que t'attends? Je ne vous ai pas vu encore pour l'acheter. Je vais l'acheter directement vous autres au lieu de l'acheter au magasin. Achète-le directement de moi parce que on n'ira pas à la convention d'Ottawa probablement. Montréal. Vous allez être à Montréal? Faire Montréal? Montréal, possiblement. Mais de toute façon, t'as mon email puis mon adresse, puis tu peux me rejoindre n'importe plug, quand. Là, t'as pas d'excuses. T'en as juste pas dropper une plug. J'ai eu le problème live. J'ai vraiment aimé ça. Là, fait que... Mais vous n'avez pas beaucoup de tombes, fait que ça va me faire chier quand je vais leur finir. Je vais faire. Ouais. Fait que tu le relis dans ce temps-là plusieurs fois. Je sais pas, pourquoi fois. Ça te ferait chier de finir un livre quand il y en a. Parce que t'en veux plus, c'est ça qu'elle veut dire. Après, là. Mais c'est parce que si le fun est fini. Ouais, mais le fun a existé. Ouais, mais il a fini. Vis le moment présent. Le fun est à moitié vide, OK? Le fun est fini. C'est pour les gens. Si tu refuses le plaisir, parce que le plaisir va finir un jour, tu commenceras jamais à avoir du plaisir. Ouais. Ta vie va staller pour toujours. Vis le présent. L'homme qui va avoir 40 ans dans pas longtemps. Ouais, c'est vrai, les regrets. La sagesse incarnée. Ouais. L'Académie des chasseurs de primes, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi? Là, t'as expliqué un peu une histoire, un dessinateur. C'est le bébé de Benoît Godbout, qui est le dessinateur qui a inventé ça quand il était au cégep. Qui m'a unfriendé sur Facebook en passant. OK. Mel qui embarque dans le... OK. Valait la peine de dropper dans le podcast. Tu te pognes-tu avec tout le monde sur Facebook? Elle est désagréable, là. Je sais pas pogner avec, c'est l'affaire. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, il m'a juste enlevé. Ben, il était fatiguant. Je suis bon, moi, avec. Je vais chialer tes étudiants, puis il a pas aimé ça. Ah, non, mais moi, c'est non. Ouais, ça se peut. On aime les étudiants. On aime les étudiants, genre, je les aime. Ça dépend à quel, là. J'étais une étudiante moi-même, donc j'ai rien à dire. Ah. C'est ça dépend à quel, moi, c'est celui de même, là. C'est ça. Qui me dérange, ceux qui parlent tout le temps. Je suis semi-surpris, c'était peut-être un accident ou. Ça dépend, c'est quoi t'as dit. J'ai pas bitché. Fait que je vais sonner comme un déjà vu, mais l'Académie des chasseurs de primes, pour les gens qui connaissent pas ça. On en parlera après. André, maintenant, dans la terreur, que je me remette à parler de mes chats. L'Académie des chasseurs de primes, c'est une BD qui se passe sur un vaisseau spatial qui est une espèce d'académie de police privée. Quand je veux faire mon high concept Hollywood, je dis que c'est Police Academy dans l'univers de Star Wars. Quand je veux pas me faire poursuivre par George Lucas, je dis que c'est pas mal la même chose qu'une équipe de super-héros. Ça fait marketing à dire maintenant que tous les films de Marvel roulent super bien dans les cinémas. C'est pas mal la même chose qu'une équipe de super-héros adolescentes, là. On a une couple de gaffards, on a une couple de maîtres en arts martiaux, on a une sorcière, on a un artiste paresseux. OK, non, ça fit pas, mais... Ça fit très bien. L'artiste paresseux... le classique artiste paresseux. La paresse, c'est son pouvoir. Ouais. Ah, c'est ça. Il a le pouvoir de se pogner le beigne à travers n'importe quelle situation. c'est une comédie d'aventure, mais j'essaie de garder ça assez sérieux pour que ce soit une comédie pour les lecteurs, mais que ce qui arrive aux personnages, ce soit pour eux quelque chose de tragique et d'important. D'ailleurs, j'aime beaucoup le tome 2 parce que s'il a été fait pour être un tome. OK. Le tome 1, en fait, est une collection de tout ce qu'on avait fait dans Safarir. parce que Safari avait repris le comic en 2003 puis en 2004, puis on le faisait à coup de 3 pages dedans, fait que fallait que ce soit... Ouais. Ça fait si longtemps que ça que vous écrivez ça? J'ai rencontré Ben en 2001, puis il avait déjà commencé à sortir dans le Zinzag, je pense, en 2000. Tu travaillais dans le Safari aussi pendant un bout? Ben, non. L'Académie des chasseurs de primes a été achetée par Safari pendant à peu près un an. Dans l'époque, Michel Viau a été le rédacteur en chef de Safari pendant un an, de 2003 à 2004 à peu près. Puis c'est il aimait beaucoup l'Académie des chasseurs de primes qui était sortie dans Zinzag avant. Fait que il nous a fait rentrer, puis à peu près quand il est parti, le propriétaire n'avait pas vraiment ça, fait qu'on s'est fait débarquer. Ciao, bye. En 2009, Michel Viau s'est ramassé chez 400 coups à s'occuper de la nouvelle collection de BD Rotor que 400 coups commençait. Fait que ils ont fait un deal avec Ben, puis ils ont compilé tout ce qu'on avait fait dans Safari, ainsi qu'une petite extension à la fin pour que ça fasse une histoire complète. Ça, c'est le tome 1 de l'Académie des chasseurs de primes. Là-dessus, j'ai écrit peut-être le 2/3 de ce qu'il y a là-dedans. Avec Yannick Champoux. Il y avait 1/3 au début que Ben faisait tout seul. Puis quand j'ai rencontré Ben parce qu'on travaillait en animation ensemble en 2001 chez TVA. Quand j'ai rencontré Ben, j'ai commencé à lire son comic. Puis là, je suis allé le voir. Puis j'ai dit, oh wow, c'est super cool, t'as fait ça, puis t'as établi ces deux personnages-là. Fait que clairement, il va leur arriver ça, puis t'as établi ça. Fait que c'est clairement parce que tu veux faire ça avec, puis ça, puis ça. Je pense là, qu'il était sa coke. Puis là, Ben m'a regardé. Puis il pensait que moi, j'étais sa coke. Puis il a fait, non, pas vraiment. J'ai dit, OK. Ah, mais ça, puis ça, t'as considéré que ça, puis ça, ça allait arriver, hein? Puis là, il dit, écoute, tu veux-tu arrêter de venir me gosser, puis juste écrire le comic, puis ça va être plus simple. Fait que c'est ça qui est arrivé, puis j'ai commencé à écrire le comic. Puis là, j'ai fait rentrer Yannick Champoux, dont je parlais tout à l'heure. Un des deux Yannick. Le original Yannick. Le vrai ou le pas vrai Yannick? Ouais. C'était le pas vrai Yannick. C'était Yannick Paquette qui avait une blonde qui demandait le vrai Yannick. Yannick Champoux, donc, et moi avons commencé à co-écrire un petit peu OCP. J'aime beaucoup le tome 2 parce que le tome 2 est fait pour être un tome. C'est un livre, c'est une histoire qui est faite pour durer les 300 pages. Il n'y a pas de. C'est pas. Okay. Le tome 1 souffre un ramassis comme les autres. Le tome 1 souffre un petit peu d'être un ramassis, puis tu commences à sentir qu'à toutes les 3 pages, ça se tient moins. Le gag va finir, puis on va passer à autre chose. Là. Mais le tome 2 est une belle unité que j'aime beaucoup. Puis ça parle de civilisation où que les filles se font marier à 12 ans. Ok, ouais. Ce qui est une chose qui. J'en s'entends passer. Pas mal, là. J'en s'entends passer. Non, encore ben, aujourd'hui. Ben, il y en a encore aujourd'hui, ça ouais, t'entend en fait, pas pire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis qui marie pas. C'est plus courant. Bon, ouais, là. Puis ce qui est terrifiant, c'est que là, il se marie plus à 12 ans parce qu'il marie pas un gars de 12 ans à 12 ans parce qu'il a une espérance de vie de 30 ans, ce qui était compréhensible. Mais du monde de 60 ans qui marie des petites filles de 12 ans et moins, là, ça. Ouais, là, c'est rendu mieux. Ça me terrifie. Je me retiens toutes les vraiment jokes plates que je t'avais dit. Ouais, c'est correct. Parce qu'il n'y a rien de pas horrible là-dedans. En tout cas, bref, je fais quelque chose. Mais c'est le tome 2 qui se passe là-dedans, c'est ça? Le tome 2 parle de. Il se passe dans cet univers-là. Mais spoil-moi pas, s'il te plaît. Ok, je... Il parle d'une thématique, c'est pas un spoiler. C'est comme si je te dirais, mettons, dans Walking Dead, est à propos des gens qui survivent à un holocauste de zombies. Non, c'est pas pareil. Là. Dis pas ça, tu dis pas de la punch. Parce que dans le tombeur, ça ne traite pas de ça. Ouais, non, c'est mais un autre. Je te dirai pas comment ça se fait qu'il se ramasse d'une place où ça se passe de même. Okay, parce que la raison comment ça se fait qu'il se ramasse d'une place où ça se passe de même va te faire débarquer en mâchoire à terre. Ça, c'est un spoiler. J'en suis pas pire convaincu. Fait que j'ai l'impression que ça a des thèmes quand même assez sérieux, ton affaire. Même en fait, le plus que je t'entends parler, tu veux partager des opinions quand même assez lourdes en BD. Je chiale contre ce qui me dérange. Quand j'écris, je chiale contre ce qui me dérange quand j'écris OCP, puis je chiale contre ce qui me dérange sur un autre ton quand j'écris Jesus Monkey Pants in Space, qui est une autre affaire. Ça m'intéresse comme nom, ça. J'ai tellement eu un blanc parce que quand je voulais écrire mes questions, je me suis dit. Là j'écrivais mon stock. Là, j'étais là Jesus, Space Monkeys in Pants. Jesus. Là, je me rappelais plus. Puis... Je l'ai dit en anglais, t'as remarqué, hein? Oui. C'est parce que j'ai de la misère à me souvenir dans quel ordre j'ai fait en français. Je pense que c'est Jésus en pantalon de singe dans l'espace, mais je ne peux pas te le garantir. Ah, moi, j'avais un petit singe habillé avec une tache de Jésus dans la tête. Hein. Mais moi, avec des pantalons. Je peux vous dire que c'est le screening le plus intéressant. Avez-vous accès à l'Internet? Oui. Présentement. Oui. Mais un alors, Jésus avec des tapez, pantalons non, faits en tap, singe. Tape JesusMonkeyPants.com, va voir c'est quoi, puis on va pouvoir en parler après en connaissance de cause. Moi, je d'ailleurs, j'invite les gens à la maison qui clairement sont sur Internet parce qu'ils nous entendent présentement pas live, à mais... ouvrir une deuxième présentement pour eux, pas présentement pour moi. Si tu conduis, parle-toi sur le côté de la rue. Si tu que ouais, c'est ça. Prends pas ton téléphone en chauffant. Ou si t'es un homme, tu textes pareil puis tu vérifies pareil sur ton téléphone. Si t'es en dessous de 60, c'est correct de texter. Jesus Monkey Pants in Space. Ouais. Non. JesusMonkeyPants.com. Jésus en pantalon de singe dans l'espace. Anglais et français. Puis, si vous voulez voir le personnage, allez à la page 1, qui a une petite flèche une en bas. Une question très importante qui apparaît sur Internet, first. Michel. What does JMPIS stand for? Où est-ce que t'as trouvé ça? Je sais pas, c'est, je fais la recherche pis c'est ça. Ok, mais wow, ces pantalons sont vraiment somptueux. Alors voilà, c'est Jésus en pantalon de singe dans l'espace. Wow. Mais pourquoi ton Jésus, il est noir? Ben, il est juste bronzé. Je sais pas si t'as remarqué que Jésus est né dans le nord de l'Afrique pis il était probablement pas blanc pis blond. Fait que non, toi, quand dans le film de Mel Gibson, ils ont fait Jésus blanc, ça t'offusquait-tu? Hein? Toi, quand ils ont fait un Jésus blanc, comme dans le film de Mel Gibson, ça t'a-tu offusqué? Toujours, je vais mettre ça à Passion of the Christ. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être offusquantes au sujet de The Passion avant ça. Mais le fait que Jésus est tout le temps un Allemand et laisse un petit peu perplexe, là. Ouais. J'avais dit qu'il avait les cheveux blancs, mais... de la manière que tu, quand tu te fais inculquer la religion catholique, ouais, nous autres, t'imagines, tu sais, blanc avec les cheveux bruns, ben blanc. Parce qu'on se fait inculquer par des blancs qui sont racistes. Oh non, tu t'as fait d'accord. Tu t'as fait d'accord, mais je pensais peut-être qu'il y aurait plus un teint caramel que noir. J'arrive de Saint-Anne de Beaublanc la semaine passée. En fait, en passant, c'est ton écran qui est foncé. J'aime ses pantalons parce qu'il y a le ton, il est supposé. Il est juste basané. Elle est noire. Elle est noire? Ah ouais. Elle est noire. Elle est noire. Le jeu ah, ou... Okay, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Un autre. Elle est noire. Mais... Wow. Ça a pris du temps à rentrer, ça. Mais... Fait que là, tu dessines, t'écris. C'est quoi qui est plus intéressant pour toi? De faire les deux? Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est de faire tout. OK. Puis d'avoir la paix. Okay. C'est vraiment ça qui est le plus intéressant pour moi. Ta liberté de question. Maintenant, parlons des possibilités physiques. Faire tout comme faire une page de Jesus Monkey Pants, ça me prend quasiment la moitié d'une semaine de rien faire d'autre. Wow. Sinon, un petit peu plus, dépendant. Puis tu manges quand même, puis tu dors pendant ce temps-là. Ouais. Mais j'ai pas de job, là. Okay. J'ai pas besoin d'aller au bureau de 9 à 5 là, pendant cette demi-semaine-là. Je te parle de rien faire d'autre. Wow. Fait que présentement, j'ai 4 pages d'avance sur les sorties, donc 4 semaines d'avance sur les sorties sur le site. Parce que c'est une fois par semaine. Jesus Monkey Pants. Ils sortent une page par semaine. Il y a un serpent dans la pièce. Wow. Ah, ça, je trouve ça très cool en passant. Je m'excuse. Ouais. J'aurais des questions sur ça. Merci beaucoup. Excuse-toi jamais de me trouver cool. Non, mais c'est parce que, honnêtement, c'est parce que quand ils ont dit que tu t'en venais, j'ai fait une couple de recherches, puis j'ai tombé sur l'Académie des chasseurs. C'est pas mal juste ça. Ça, j'étais pas au courant de ça. Ça a l'air intéressant. C'est quoi que t'aimes le plus? Pas que t'aimes le plus, mais... La qu'est-ce lasagne. Que tu fais? mais quelle lasagne? De la femme? Puis les chats. Ma femme a commencé à faire de la lasagne le mois passé. C'est super bonne. Ouais. Super bonne. Sauce maison. Ben, elle achète la sauce classico, mais elle mélange les affaires dedans. Tu mets du shit dedans, de la viande, des épices. Du bacon. Qui est long, on dérape un peu, là. Mais on parle des choses. C'est jamais long quand on parle de sauce. C'est toujours correct quand il y a du bacon. C'est sûr qu'on pourrait faire bouillir nous-mêmes nos tomates italiennes le mois d'avant. Non, dans une bouteille, les abandonner puis revenir, là. Mais. Ok, le temps de C'est peut-être plus de troubles. Souviens-toi qu'il faut que je fasse une page par semaine, puis ma blonde, il faut qu'elle travaille aussi. Mais quand tu fais ça, c'est quoi qui vient avant, le dessin ou l'histoire? T'as-tu déjà l'histoire dans ta tête pour où que ça s'en va pour 30 autres numéros ou. Ouais, premièrement, quand t'écris une histoire, faut que tu saches la fin, parce que le point de faire l'histoire, c'est pas mal ça, là. Fait que quand t'écris une histoire, quand t'es au point de sortir de quoi, c'est parce que tu sais comment ça va finir. Là, je te dis que je fais les pages au fur et à mesure. Mais t'as pas les pas textes. Parce que je sais pas ce qui se passe dans cinq pages. Tu sais ce qui se passe globalement, mais le texte, il est pas écrit j'ai déjà. J'ai pas tous les dialogues jusqu'au dernier. Fait ça, que ça, ça aussi, c'est un problème. Des fois, je tombe la semaine où j'ai pas écrit le dialogue de cette page-là. Puis là, il y a comme deux pages où il faut que j'écrive le dialogue. Mais après ça, je vais le savoir. Mais là, ça me ralentit. Faut que j'écrive le texte. Des fois, j'ai des sketchs. Des fois, j'ai des sketchs pour les personnages qui sont faits d'avance. Des fois, je ne sais pas. Fait que là, il faut que je les invente. Mais c'est plus tout croche que ce que tu dis. Il n'y a pas de il n'y a pas de manière où que ça arrive bien. C'est pas de midi à 2h, j'écris des textes toutes les semaines. Mais je suis curieuse. Peut-être que tu ne connais pas ça. Peut-être que tu pourras me dire par rapport à ça. Est-ce que tu connais un peu le manga japonais? Mais tu sais quoi? Mais est-ce que tu connais un peu le principe de... Parce que, bon, les mangas japonais, les populaires, ça sort 15 pages par semaine. Oui, c'est de la folie, puis ils sont comme 12 dans un studio. Ok, c'est ça. Ils ne sont pas juste 3, là. C'est pas un dude qui décide tout. Non, non, check dans Understanding Comics. À un moment donné, il parle des divers niveaux de développement d'un artiste de BD. Puis qu'il y en a qui stallent à un niveau. Puis il y a un des niveaux, c'est le niveau où que le mieux que tu peux faire, c'est d'être l'assistant d'un BDiste. Puis là, il y a comme une espèce d'image d'un BDiste japonais avec ses tables de cafétéria d'assistant. Puis il y a comme 12 gars qui font ses comics. C'est pas lui qui dessine lui-même ses pneus de char avec plein de stries, des pneus de char, des spikes, des bâtisses. C'est un petit peu comme Hideo Kojima, mais pour les comics. J'ai pas. Je vais juste dire oui, puis il y a des gens qui vont comprendre. Je peux faire semblant que je connais Hideo Kojima, mais je vais pas faire ça desservir ça à la vérité. Je sais pas c'est qui. Il y a seulement. En fait, il y a seulement Masamune Nishirao qui a la réputation de pas avoir d'assistant. Il écrit quoi, là, ce que tu dis? A Ghost in the Shell. Ah, ok. Il a la réputation de pas avoir d'assistant, et d'ailleurs, il y a eu quoi, 14 ans entre le premier Ghost in the Shell et ben, le deuxième. Ça vaut tellement à peine, par exemple, d'attendre parce que. Oh. J'espère que ça vaut la peine pour lui. J'imagine qu'avec tout le cash des films et des programmes TV, Ghost in the Shell, ouais, ça a valu la peine pour lui d'attendre. Ouais, il est arrivé un bon moment, disons, pour le premier. Parce que le premier, c'était de arrivé là, on avait faim pour ça dans ce temps-là. Si tu veux l'autre extrême aussi, Bourgeon, est-ce que je viens de dire le bon nom? Mm-hmm. Aidez-moi quelqu'un, n'importe qui. L'artiste. Je peux dire oui, moi aussi, mais ça sera peut-être non, pas... Non, moi, je ne veux pas faire des services, moi non plus, en utilisant tes... L'artiste des passagers du vent. Oh my God, je s'appelle quoi, Bourgeon? Tout le monde check sur leur téléphone. L'artiste des passagers du vent, les passagers du vent, c'est une série de comics européens qui date de la fin des années 80. Il y a 5 des comics européens, donc en carton, là, qui se passent sur des bateaux d'esclavagistes au 18e siècle. Ouais, Bourgeon. Pierre Bourgeon, ça lui prend 2 semaines faire une page. François Bourgeon. Il écrit tout, il dessine tout. Ouais. Ça se passait sur des bateaux d'esclavagistes, là, donc sur des immenses voiliers. Il en avait construit dans son salon pour savoir comment le rigging était fait puis pas se fourrer quand il dessinait. Ça lui prenait 2 semaines de faire une page. Wow. Puis là, quelqu'un qui a demandé « Ouais, mais là, tu pognes, donc tu gagnes ta vie avec ça, fait que tu peux faire 2 semaines de faire une page. » No que way. C'est... Oui, oui, pour l'instant, oui, mais c'était pas ça la question. La question, c'était « Avant que tu pognes, qu'est-ce que tu faisais? » Ouais. Il dit « Je travaillais en même temps puis je dormais pas en nuit. » Wow! Wow! Ben, tu sais, c'est se dédier à son art, dans le fond. Ouais. Regarde, lui, il avait quelque chose à dire, puis fallait que ça sorte de sa tête. Ouais. L'affaire, par exemple, avec ça, moi aussi, je dormais pas la nuit quand j'avais entre 20 et 25 ans. Tu peux pas faire ça le restant de tes jours. Mais non. Parce que non, sûr, non, tu vas mourir. Là. Je suis plus capable là, de faire une nuit blanche. Là. Si je fais une nuit blanche maintenant, je vais être fucké les 2 jours après. Ah, je te comprends à 100%. Là, on a toute vie. On peut remplacer une nuit blanche par alcool. Puis, Ben, moi, je travaille dans un bar, fait que je comprends exactement ce qu'il veut dire. Là. J'avais 2 jobs dans un bar, puis dans mes jobs de jour. Puis j'étais capable de travailler jusqu'à 4h du matin, dormir 1h. Aussi, la nuit à dessiner, à un moment donné, ta tête. En compote quasiment, là, tu penses trop. Ouais, mais t'es sur un high que tu peux juste avoir. Pendant un bout, mais quand c'est juste quand t'es plus vieux que tu l'apprécies. Ouais. Non, ouais. Quand j'avais 20 ans, à un moment donné, j'ai fait une journée de travail de 55 heures. Oh, boy. Une journée de 55 heures. Je travaillais chez Cynar. En ligne. Puis la nuit, j'avais une job. Un deadline de cailloux, ça, là? Des touch-up de cailloux. Non, je travaillais juste 40 heures chez Cynar, sauf que la nuit... J'avais un job, il y avait une convention d'une compagnie pharmaceutique en ville, puis moi, puis 2 autres jobs, on avait l'espèce de contrat étrange de peinturer des caricatures du monde sur des panneaux de 15 pieds de haut, ces murs de la salle de convention. Okay. À toutes les nuits, on faisait un panneau Là, c'est en bac d'un job corpo. Puis, cette même semaine-là, c'était le tournoi mondial d'improvisation à Montréal. Puis à cette époque-là, ça m'intéressait. Fait que le soir, je travaillais chez Cynar, j'allais souper, j'allais voir la game du tournoi mondial d'improvisation. Puis après ça, j'allais au Palais des Congrès faire des peintures CMA. Puis là, je retournais chez Cynar. J'ai trouvé un moment pour prendre une douche, pour pas complètement puer. Mais après ça, je retournais chez Cynar puis je continuais. Wow. Puis par rapport, mais tu me fais penser à la question, tu fais-tu encore des jobs corpo comme ça ou? Ça arrive plus vraiment souvent. J'ai travaillé en animation, je viens de faire. Je sais même pas si ça a commencé à passer encore. Je pense que ça a commencé en mai. J'ai travaillé sur la deuxième saison de Pérusité. Ouais, parce que ouais. Benoît Godbout est le réalisateur de la deuxième saison de Pérusité en passant. Fait qu'il m'a appelé quand il a eu la job. Il a dit, hey, veux-tu une job? J'ai dit oui. Il dit, c'est bon, ben, t'es le chef des corps. C'est l'animation 3D, 2. Ça, un peu. C'est l'animation. C'est du 2D, Pérusité. Non, ouais, j'ai remarqué, c'est du 2D, mais c'est quand même tourné avec du. C'est tourné avec Harmony, qui est le descendant de Flash. Là, qui est c'est pas le descendant parce que c'est pas en même compagnie, mais c'est la nouvelle affaire qui est appelée à remplacer Flash parce qu'elle est apparemment meilleure. HTML5. Je connais pas assez ça pour. Tu sais dessiner avec, dans le fond. Pas avec, non. J'ai essayé d'apprendre. Harmony, c'est quelque chose. Il y a une espèce de classification informatique de ce que tu fais qui est space. Et moi, je suis habitué à travailler avec Photoshop, ce qui est une faiblesse parce que tous les shortcuts, c'est pas la même chose. Fait que là, tu tapes sur une lettre sur le clavier, puis ça fait pas ce que tu pensais que ça faisait. Ça vient de te scraper 4 heures de travail. Je me suis fait dire qu'il y a moyen de rentrer dans Harmony, puis de changer tous les raccourcis clavier. Fait que si je me ramasse un job où je suis obligé d'utiliser Harmony ou de l'apprendre assez, je pense que je vais rentrer dans mon Harmony puis que je vais changer tous les raccourcis clavier pour que ce soit la même chose. Ou à la limite, si un de nos auditeurs est au courant, il peut nous envoyer le comment puis on le fait suivre puis par pur luck. C'est une question de temps, là, ça, des shortcuts. Quand tu dis que tu travailles avec Photoshop, tu dessines à main puis après tu leur scans, tu leur code, genre de même, tu refais Je peux dessiner direct dans Photoshop avec une tablette Wacom. Que c'est ce que je faisais la plupart du temps chez Oasis, qui est la maison de production qui font Pérusité. Quand je fais des comics, c'est variable. Des fois, je pencil dans l'ordinateur, puis des fois, je pencil sur un bout de papier. J'encre encore toujours à main parce qu'il y a de la pollution graphique quand j'encre à l'ordinateur, je trouve. Avec une bonne tablette Wacom, là, ouais. Ouais, non, c'est pas la tablette. Il y a quelque chose dans le en tout cas, quelque chose je suis sûr que c'est corrigible, mais le temps que ça prendrait de gosser avec l'informatique pour que ce soit corrigible, je peux juste imprimer ma feuille puis l'engrais. Fait que je me suis pas attardé à ça. Yannick Paquette travaille depuis une couple d'années avec une Cintiq. Puis lui, il adore ça, il aime beaucoup ça. Je l'ai essayé une fois, j'ai fait non. Mais t'es un peu dans l'âge entre deux, non? Je suis à l'âge que. Quand j'ai fait mon graphisme au collège, ils ont acheté les ordinateurs pendant que j'étudiais. Ouais, c'est ça, je m'en ai. Fait que je suis la génération. Il y a bien du monde de ma génération qui ne savent absolument pas quoi faire avec un ordinateur, pantoute. Et eux autres, vraiment, je désespère pour eux. Moi, je sais pas bien quoi faire avec un ordinateur, mais je sais pas tout. Mais quand tu as étudié le graphisme au cégep, des choses comme ça, t'avais encore le papier cadré puis tout le kit. On m'a fait couper de la rubilite. Ouais, waouh, ouais, non, c'est ça. Là, on m'a fait couper de la rubilite une fois, par exemple. Je vais être fair, on me l'a fait faire une fois et je sentais que c'était pour me faire sentir comment que c'était chiant pour leur génération. Je sentais que les profs voulaient me faire sentir c'était quoi la souffrance, là. C'était juste ça le point. Mais ça te fait apprécier aussi, comme t'es un petit peu comme, je parle pour moi, mais Nick, puis Milter, puis Mel, puis on a vu un peu dans le temps où c'était moins branché, puis ça te fait quand même être la personne. Comme bon, tu connais, tu peux apprécier aussi où ce qu'on en est. Ça me fait apprécier de ne pas être obligé de faire ma propre encre en faisant brûler quelque chose, puis en mélangeant la cendre avec de l'eau. Là. C'est ça, ouais. C'est cool. Okay. Moi, j'ai fait mon cours de graphisme, puis le dessin, disons, était une minime partie à main. C'était un petit cours d'attitude. Le reste, c'était tout de l'ordinateur partout, presque. Puis. Ouais. Non, mais même moi, autant la typographie que le Photoshop, le Illustrator, tout. On apprenait plus à dessiner avec l'ordi qu'à main. Surpris, là. À main, c'était vraiment comme ceux qui l'ont, go, ceux qui l'ont pas, force-toi un peu, puis t'apprendras pas vraiment grand chose de plus. Je suis pas surpris. Même Même aussi une couple d'années après tout. Là. Je pense que c'est en 2001, mon cours. Fait que c'est d'autres choses. Ouais. Mais même à mon époque, apprendre à dessiner, là, c'est pas à l'école que j'ai appris à dessiner. Ouais, là, c'est par toi-même. Non, mais le graphisme, c'était des logos. C'était du logo, de la typo. La mise en page. La mise en page, la théorie des couleurs. Je suis bien content d'avoir appris à utiliser Photoshop dans un cadre structuré. Là, parce que... Mais déçu, c'était pas CorelDRAW dans ton... Non, c'était Photoshop, Illustrator. Je me souviens plus de mon Illustrator pantoute, parce que je m'en suis pas servi depuis 15 ans. C'était des Alpha. Quark des Express. Alpha. Ouais, Quark Express, wow. Ouais. Moi, j'ai appris Quark, je m'en sers depuis pantoute. Cool. Michel, en terminant. On termine déjà? Bon, on termine avec Michel. J'ai trop parlé de chats. Non, j'ai pas rapport, mais j'ai quand même... Tu dessines-tu tes chats, des fois? Excuse-moi, je... Vraiment, vraiment pas souvent. Surprenamment, j'ai plus de plaisir à vivre avec. J'ai fait combien de chats dans ma vie? J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une illustration qui a un gros chat parce que c'était pour le comic de quelqu'un d'autre. Puis le personnage du comic a un chat, fait que c'est important que le chat soit là. T'as-tu inspiré de ton gros chat à toi? Ou? Non, c'est le comic de quelqu'un d'autre. Puis le personnage a un chat, fait que j'ai pris le chat, j'ai pris le chat noir. Mon gros chat blanc est dans le tome 2 de l'Académie des chasseurs de primes. Ah ouais? Ton matou? Ah non, il est dans le tome 3. J'ai dessiné les bouts du tome 2.5 en fait, pas 3. Mais j'ai mis mon gros matou blanc dans une case, il passe dans la rue, puis quelqu'un le flatte, puis c'est tout. Je vais vous dire une affaire triste pendant que je suis là. Je peux vous rentrer, c'est un petit peu. Ben oui. Quand vous lisez un de mes comics, puis que vous tombez sur une page où il y a une statue de chat dans le décor pour rien, c'est parce qu'il y a un de mes chats qui vient de mourir la semaine que j'ai fait cette page-là. Je mets les pieds à tomber de mes chats dans mes comics. J'espère qu'il n'a pas trop tôt à tous les pages. Si tu dis ça, je lis tous les pages, 3-4 chats. Oh my God, pauvre gars, il y en avait combien de chats? Oh, tu sais, ça fait 32 dessins, tu vois. Fait que dans le fond, c'est... pour conclure, Michel. Il force à conclure. T'y poseras pas tes 3 questions. En fait, on va être rendu parce qu'il reste la manette dorée et il va rester d'autres choses à discuter aussi. Mais premièrement, merci de ton temps pour être venu avec nous autres. C'est vraiment le merci fun. Merci beaucoup à vous. Sérieux, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis on pourrait continuer à en parler comme ça longtemps. Puis on va probablement le faire en ronde. Moi, je voulais terminer avec une question. C'est si tu aurais à faire une collaboration aujourd'hui. Je vais encore vous rendre triste. OK. Puis je vais en plus pas répondre à ta question. Fait que je vais te rendre triste en double. Tu vas nous laisser. Un cling. Non, attends deux secondes. Ma réponse va être triste, mais ce sera pas une vraie réponse à ta question. OK. Je t'ai déjà dit tout à l'heure que j'aime mieux avoir la paix et travailler tout seul. Ouais. De toute façon. Ma collaboration préférée que j'ai jamais eue. Ouais. Et elle n'est plus possible pour la pire raison possible. OK. C'est une couverture de Green Lantern que vous allez pouvoir trouver sur le net, mais jamais imprimée. Je pense que c'est quoi. Parce qu'elle a été rejetée, que j'ai dessinée puis qui a été colorée par Stéphane Perru. Oui, ton ami. Ouais. Une chose qui... L'événement n'est pas répétable parce que Stéphane Perru est mort en 2007. Il y avait un problème de valve cardiaque qu'il ne savait pas. Puis il est juste tombé de mort après une conversation l'après-midi. Tu le sais pas en plus. C'est... OK. Puis ça a été ma c'est la plus belle affaire que tu verras probablement jamais de moi parce que le gars qui l'a coloré était absolument un génie. Malheureusement. Fait que c'est là que tu vois que le gars qui colore, c'est ça, peut-être bien important autant que. Ouais. Que le gars qui fait le dessin. Puis que le gars qui colore, même s'il fait juste colorer, peut vraiment devenir un génie de sa job aussi. Là. Ouais. Ouais. C'est ça qui rend triste, surtout ce que je disais tout à l'heure, que les coloristes, pas les mêmes fonctions, les coloristes sont plus payés, qui sont moins payés. Là, ça regarde mal. Ça regarde mal pour la qualité du produit, puis ça regarde mal pour l'employabilité de monde qui sont très talentueux et très bons. Ouais. Écoute, t'aimes ça quand je te finis ça dans ouais, Word? Non, mais c'est un peu triste. Ouais, mais c'est un peu triste, mais j'aime ça parce que c'est vrai d'un, puis ça fait différent aussi. Ouais. C'est, on a tout le temps tendance à déconner et faire des affaires comme ça. Moi, je n'avais juste une question bien vite. OK, Eric. Là, Eric va en avoir une, après ça, on arrête. Toi, tu m'as posé plein tout à l'heure. Une. Non, une d'Eric, that's it. On va finir ça sur le temps. Tu poseras après. Il est pas parti, il reste là. Merci. C'est parce que moi, je suis curieux, c'est parce que ça fait longtemps que je suis un petit peu, que je lis beaucoup de comics en ligne, des affaires comme ça. Je savais pas que tu faisais l'affaire de Space Monkey Pants, puis tout ça, je trouve ça cool. C'est quoi la business en arrière de ça un peu là, comme comment est-ce que la business en arrière de Jesus Monkey Pants? Non mais juste comment est-ce que des places comme ça font de l'argent ou André vient de s'essuyer le front rageusement avec sa main parce qu'il se rend compte que la réponse à ça ne peut que prendre 15 minutes. Non, moi c'était un mot la réponse. Désolé, mais moi ça, je trouve ça curieux puis je suis sûr qu'il y a bien des, parce que il y a bien des gens que ça leur intéresse un peu ça, parce que pour moi c'est je vois des places comme Penny Arcade, je vois des places comme Frog Pan Studios. Que ça soit PVP, des choses comme ça. Comment, excuse, ignorez deux secondes, fais juste le faire trois. Je peux venir dans deux semaines. Ah. À la limite, c'est pas comme si ça faisait déjà 1h45 qu'on enregistrait. Désolé, fallait que je la pose. Ça suffit. Regarde, il va répondre à ta question. Okay. On va à la manette dorée, tout le monde va être heureux. Moi, je voulais même pas une raison, je voulais juste un mot. Une réponse d'un mot. Go, je lis la... OK, la business derrière Jesus Monkey Pants. De mon point de vue à moi, je fais pas Jesus Monkey Pants pour la business, j'ai fait Jesus Monkey Pants parce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose qui m'appartient puis qui me défoule. Mm-hmm. Je veux... C'est Jesus Monkey Pants, pour moi, c'est la place où avoir la sainte paix. J'ai d'ailleurs pas le même contrat que le restant du monde chez Kimmick. J'ai un contrat avec Kimmick qui dit... vous avez Jesus Monkey Pants en exclusivité pour les trois prochaines années, puis je vais vous en donner un à toutes les semaines, puis à part de ça, sacrez-moi patience. Il n'y a pas d'argent là-dedans, il n'y en a pas. Okay. La possibilité qu'il y en ait un jour, je sais pas, je ne la vois pas personnellement. Le monde chez Kimmick l'espère, développer des produits dérivés qui font faire du cash éventuellement avec des choses. On verra le jour qu'ils font. Moi, j'ai aucune idée. Puis ça, je le refuserai pas si ça arrive accidentellement, mais je le poursuivrai pas. Non, c'est ça, c'est pas. Okay. Excellent. Donne-nous donc son mot à Milter. C'est quoi ta question? En un mot, je veux même pas savoir. Hey, non, mais juste pour dire de même. J'espère tellement que ça va vraiment se répondre en un mot. Puis moi, j'espère juste. On est les deux. Ça va être bon comme question, hein. Tu sais, ça ben va être. Moi, ça m'intéresse. Pas pour mettre de la pression pantoute, là. Tu sais, ça vaut vraiment la peine c'est qu'on. C'est qui rallonge, là, en disant ça? Moi, ouais. On se sent comment maintenant? Ouais, c'est pas nécessairement un mot, c'est un nom. Puis, t'as parlé tantôt que t'as dessiné pour Punisher, Green Lantern, tout. Quel super-héros déjà existant, là, que t'aimerais, tu triperais vraiment. Il y a qu'un nom, je veux même pas en que tu me dises un pourquoi. Mot, Michel. Le nom du gars, dis-moi, là, c'est Iceman ou Wolverine ou Superman. Il fait juste dire pour qui t'aimerais dessiner. Tu me demandes quel comic. Quel que super-héros. Juste quel super-héros. Ouais, quel super-héros ou comic, peu importe. Là, le monde team, dit là. Choisis Michel, tu sais. Choisis-en un, juste le nom, je veux même pas que tu m'expliques pourquoi, juste le nom du héros connu. Le comic existant que je ferais un remake de, si j'avais le droit, ouais. Attachez vos trucs, Goldorak. Ok, c'est de... je veux même pas savoir pourquoi Goldorak. T'es-tu fou? Faut qu'on en parle? Non, okay. C'est-tu quoi? Je parle. Non, on va laisser surfer le monde là-dessus, finalement. J'aime ça, moi. Goldorak. Ça arrête de même. Goldorak. Fait que là, Milter est content. Ouais. Je suis content. Michel est content. Je veux juste savoir. Elle est très contente. Tout le monde est content. Au pire, envoyez un email. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la manette dorée. Ouais. Manette dorée, Golden Manette, Golden Manette. On dit gamepad ou controller. Elle est vraiment bonne la chanson, je l'aime, sérieux. Ouais. Honnêtement, là, je pense qu'on a bien fait de conserver ça. Best jingle ever. Best. Surtout que là, on l'utilise ever. Pour de vrai la première fois, je pense, hein. Ouais. ouais, donc éventuellement. Donc André, parle-nous donc de ta manette dorée. Uzumaki. Ouais, Uzumaki, là. Ok. Ça t'a pris un mois à écouter. Oh. Milter, tu sais que tu veux le dire, dis-le. Pourquoi je t'ai donné ça, là? Non, Milter, t'as une chose à dire, là. You have. Oh, you had one job. Ouais. ouais, j'avais qu'une job, puis. T'avais écoute... un film d'un heure et quart à écouter. T'as pas eu le temps en deux semaines. Ah, moi, je dis ça de même, mais moi, je reçois des livres qui prennent 30 heures à lire. Je mets une heure par soir pendant deux semaines, puis le lire, puis je le finis. Laisse-les vider son cœur, c'est ce qu'il veut. Puis, t'avais une heure et quart à écouter. Ouais. Puis tu l'as pas fait, ça t'a pris un mois. Ouais. Je dis ça de même. Ouais. Je dis ça de même. Fait que c'est moqué. Tu le regrettes-tu maintenant que tu l'as regardé? Le pays, c'est que oui. En plus. Honnêtement, là. Ok, regarde. Pis je t'ai donné ça pourquoi? Oh. Juste à cause de ton nom. T'as juste vu mon nom de Twitter. T'as fait, hey, ça, je vais lui donner ça. Uzumaki, l'avais-tu écouté? Non, je l'ai jamais écouté, c'est le ça. Film. Milton, il donne des affaires qu'il a pas vues. Je m'ai fait donner ça par un de mes anciens colocs qui m'a dit « Hey, il y a un gars à job qui m'a donné ça à moi. D'après moi, tu vas aimer ça, toi. » Fait qu'il me l'a donné, puis il était là dans ma bibliothèque avec toutes mes... Hey, j'ai beaucoup trop de DVD chez nous, puis il y en a beaucoup que j'ai pas écouté encore, malheureusement. Puis lui, ça en était un, puis là, je faisais un peu le ménage, puis j'ai vu Uzumaki, j'ai dit « Ah, sac, André, il a le même Twitter feed, Twitter handle. Je vais lui donner ça comme Xbox manette d'or. » Xbox Live ID. Fait que j'attendais. Ouais, Xbox Live aussi, Uzumaki, qui sait, c'est ouais, vrai. Ouais, on peut-tu au moins, avec deux secondes, que tu nous expliques pourquoi toi, tu t'appelles Uzumaki? Ben, c'est parce que ça n'a aucun lien avec le film. Non, c'est un lien avec Naruto. OK. Parce qu'en 2003, j'ai commencé à écouter Naruto, puis j'ai pas mal tout le temps aimé ça. Puis il fallait que je me choisisse un nom sur Xbox Live. Fait qu'en 2003, t'as scellé ton fate pour ouais, asseoir. Ouais. Fait qu'en 2003, je me suis dit, un moment donné, en 2013, je vais me faire donner un film poche. Je regrette ça. Puis, OK, bon. J'ai un questionnaire pour vous. Je l'ai pas vu, moi, en passant. On va deviner. Ça m'a pris combien d'écoutes pour pouvoir terminer le film? Trois. Papa, Nick. Une? Non. Cinq. Ça aurait pu être une, tu sais, nous pose la question. Mel, dis quatre. Mel? De quoi? Combien d'écoutes ça m'a pris avant d'écouter Uzumaki? Tu t'as dit tantôt que tu l'aurais écouté 5 minutes calcul, à la fois. Calcul, calcul. 5 minutes à la fois, donc je te dirais que je t'ai eu un ça mois. Ça fait 13. OK. 13 shots. 4 fois, OK. Là, c'était deux jours j'étais malade, puis c'est la première fois que j'ai pris deux jours malade, mais que j'ai pas travaillé de la maison. Fait que j'ai vraiment pris deux jours de maladie de la job. Ça t'a guéri. Puis pendant ces deux jours-là, couché à rien faire, t'as pas dit « je vais prendre une heure de ça, ben que oui. je file déjà hey, mal ». Je me suis dit « je file déjà tout croche, je suis déjà malade, je peux pas être pire que ça, là ». Ben j'aurais pu, là, mais je suis déjà au lit, puis j'ai rien à faire. Tu sais, fait que je me suis dit, on va écouter Uzumaki. Puis là, tu veux moins vivre qu'avant. Non, honnêtement, je pense que j'aurais pu m'achever là, je l'aurais fait. Ok, premièrement, je comprends fuck all, parce que soit le DVD marchait pas, mais j'avais même pas les sous-titres, rien. Fait que c'était du japonais. Non, c'est du japonais ou c'est du coréen? Coréen. Ok, ben c'était du coréen que je ne parle pas couramment. Jusqu'à t'être en vacances. Juste quand j'étais en vacances en Corée. Puis finalement, regarde, j'ai aucun moyen de savoir c'est quoi l'histoire. Ah, il est pas sous-titré? Ben peut-être qu'il l'était, mais il marchait pas. Moi, je l'écoute dans mon ordi avec VLC, ok? Mais j'avais beau essayer sûr, toutes les options. Je peux-tu dire, je veux backer André là-dessus. Moi, le film, c'est. Attends, c'est quoi The Protector, le film de d'arts martiaux? On back, avec Tony John. Il cherche son éléphant, là. Ouais. C'est ça, ok? Moi, la première fois que j'ai écouté ce film-là, l'option des sous-titres avait pas fonctionné, ben oui. Genre, ou de quoi. Puis je l'ai écouté pendant. Ça faisait comme une heure, là, mon coloc qui arrive de travailler. Puis c'est lui qui m'a dit écoute ça, tu vas capoter. Fait que là, il arrive, puis il s'assied avec moi. Il dit ah, tu l'écoutes, je vais m'asseoir avec toi, l'écouter. Ouais, ça fait comme 10 minutes, puis il me dit pourquoi t'as pas mis les sous-titres? Il y a des sous-titres, je comprenais fuck all, rien. Mais ce qu'il dit à part, j'avais compris que l'imagerie qui se bat. The Protector, puis... t'as des combats le fun. Oh, ouais, il y a ça. Uzumaki, t'as des longueurs malaisantes dans un dialecte que tu ne comprends pas. C'est la différence. Mais il y a des spirales. Il y a des spirales partout. Puis là, les spirales sont là, puis il y a des spirales. Puis là, un moment donné, tu tombes endormi parce que c'est Advil, Liquigel, Remessinus embarque. Puis là, ben, tu te réveilles. Mais ça joue encore, Uzumaki. Mais là, t'as manqué un bout. Puis tu t'es fait tellement mettre de pression de tes collègues que tu veux pas t'as en pas manquer un bout. Ouais. Fait que tu le recules, mais c'est pas meilleur. Non. Non. Même pas sur les Liquigel. Même pas. Les spirales sont-tu bien faites? Moi, j'ai aimé ça, ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé là-dedans? J'ai aimé ça. C'est asiatique, c'est n'importe quoi. C'est ça, bon, c'est bon. Ouais, ouais, mais t'avais-tu des sous-titres? C'est pour, ben oui, c'est pour les mêmes. C'est les mêmes raisons pourquoi que c'est mon ancien coloc, dans le fond, qui me l'a donné, m'a dit, genre, tu vas aimer ça, c'est asiatique. C'est comme les films de requins mutants. Ouais, mais les films de requins mutants, à la limite. Ils sont tous bons. Ben, ça, j'aime ça, mais Uzumaki, je sais pas, j'ai pas embarqué pas en tout. Regarde, les. Non, mais je peux comprendre aussi que. C'est pas tout le monde qui va aimer ce film-là. Mais non. J'ai trouvé ça. Toi, t'aimes Star Wars, lui, il aime Uzumaki. Moi, j'aimais ça, le trip des spirales, justement. Là, puis, mais tu sais, tu le vois qu'il y a la fille qui revient. Ben, c'est ça. Mais tu sais, il y a le fait aussi que je serais pas gore, je serais pas film d'horreur. C'est pas super gore. Ben non, mais tu sais, tu vois que c'est comme un. Comment je peux te dire ça? Ah, The Ring a marché, faudrait trouver une manière de faire quelque chose comme The Ring, mais on va mettre des spirales. Depuis The Ring, voyons, depuis The Ring. Depuis The Ring? Depuis The Ring. Je suis. C'est celui-là, Crash a Jure. Depuis que The Ring est sorti, les Japonais et autres Asiatiques, les films de fantômes ou d'esprits. Donc ça a comme explosé, c'est l'enfer, le money, il y en a. C'est le cliché de la petite fille les cheveux d'en face. Là. C'est ça, la petite fille avec les cheveux sales, il y en a eu. Là. Les petits émos qu'il y avait au detox il y a une couple d'années. C'est comme aujourd'hui, là, c'est les films là, caméra de surveillance, puis caméra à l'épaule, là, ça déborde, puis à un moment donné, c'est sûr que... Ben, c'est genre, les films caméra à l'épaule. Moi. Mais c'est des films à la Fatal Frame. POV. J'en ai aimé, mais POV, ils sont pas tous bons. Donc, non, mais en gros, yes. Uzumaki, de la manière que je peux décrire ça, je vais paraphraser, c'est comment tu dis ça? Paraphrase, dis en anglais comme tu veux. Je vais quoter quelqu'un, OK? Pis ça s'applique pas pantoute, mais je trouvais le terme c'est quand même assez adéquat. C'est pas quelqu'un qui parlait du film que t'as cité. Non, aucunement. Là, okay. C'est juste j'ai un de mes chums FM qui aurait qualifié ce type de film-là de japoniaiserie dans le temps. C'est des coréeniaiseries, ça se dit pas. Hein, fait c'est que, un film coréen, ça? Ouais, c'est coréen, apparemment. Garde! Il est là, check. Garde, honnêtement, d'un, on peut le voir. J'ai encore ta copie chez nous, je m'excuse sincèrement. Tu peux la garder, regarder les commentaires. Ben écoute, si je peux la réécouter, je vais être vraiment choyé. Mais c'est coréen, c'est juste ça. Ah, ben oui. Honnêtement, là, c'est n'importe quoi, là, garde. J'écouterais Zardoz 5 fois de suite au lieu d'écouter Uzumaki. Ouais, mais c'est ça, mais Zardoz, c'était bon. Uzumaki, c'était... Je me demande vraiment que je t'ai fait, Milter, honnêtement. Attends de voir ma prochaine manette dorée, tu vas être content d'avoir eu ça. OK, cool, excellent. J'essaie qu'elle tombe sur Rick, j'ai encore de Spirit Housewives sur le cœur. Oh! C'est correct, moi ça ne dérange pas, moi je prenais pour laquelle Eric, vie. Mais c'est ça le problème, hey, Rick, mais là, il prend trop bien. Mais attends un peu, parce que ma manette dorée cette semaine était pour Rick. Mais là, sachant que toi, tu veux piéger Rick. Mais là... Non, parce on moi, va garder moi, ça comme info. Moi, je t'ai donné Uzumaki, pareil. Eh ouais, c'est ça. Je te leur donnerai pas que j'en veux pas, là. Mais regarde, en gros, Uzumaki, si vous aimez les films... Comme The Host. Ah, man. Non, regarde. The Host était très bon, man. Admettons, là, j'ai que... Sur The ah ouais, tu sais que c'est l'écrivaine de Twilight? Le fait de ce film-là? Non, pas de... Non. The Host? Non. C'est un film... Je pense que ça film. C'est un film coréen. Non, mais là... Non. Il parlait de The Host, ça vient de sortir. Il parle d'un autre film qui date de là super longtemps. Ah, oh, OK. Ça parle de très vieux. C'est ça que je riais de toi, là. Coréen. Il y a au moins 8 ans. C'est un bon monster movie, là, je comprends. Là, je comprends le trip. Donc, j'ai juste pas compris le trip de coréen encore. Ils sont bons les Coréens, ça. Ils sont super bons tant qu'ils font pas des films à propos de spirale. Moi, comme je disais la semaine passée, la seule affaire que j'aime, c'est quand tu écoutes un film coréen, c'est pas Kevin Costner qui est dedans. Ah non, c'est je peux film... te confirmer que ce n'était vraiment c'est pas c'est Kevin ça. Costner. C'est du monde que tu connais pas, fait qu'il joue bien son rôle, c'est pas fait Kevin Costner. Dire qu'un Coréen qui écoute Postman, ça, comme c'est pas... Lui, il va triper. Quang Quang qui est dedans. Exactement. Il se dit, ah, je le reconnais pas. Je sais pas comment il m'a imité un nom coréen, fait que c'est juste ça qui est sorti. C'est quoi ton nom coréen? Je m'en rappelle même plus. Je suis pas mal sûr qu'il joue dans Uzumaki. OK, Uzumaki, tenez-vous loin, touchez-y pas avec une perche, à moins que vous aimiez exactement les mêmes films que Nick, là, vous allez capoter. Mais. Ouais. Moi, je suis désolé, Nick. Puis il y a des films, j'ai aimé ça. Hey, tu m'as amené à Fantasia voir non, un film à propos de. Pas tout, hein. C'était tout quoi le gars, là? Il y avait une graine qui tuait du monde, puis il est tombé sur une fille avec une. Bad biologie. Oui, c'est ça. C'est une fille avec 7 clitoris. Qui tue. Quand elle a un orgasme, elle est tellement dedans qu'elle tue son partenaire. Wow. Puis là, finalement, le match c'est parfait. Pas spécial, le match parfait, c'est un gars qui a un pénis boosté aux stéroïdes. Qui se détache de lui. C'est logique. Il va tuer du monde. Ouais, c'est ça. C'était très bon. Ben, regarde, à la limite, ça, c'était drôle. Ben, résumé. Ben, c'était caricaturé, puis c'était bizarre. Mais Uzumaki, là, non, oui. Je pense que c'est avec Marc-André Fortin. Hein, donc, ça fait mieux. On va clore ça. Eric, cette semaine, dans le fond, c'est toi qui vas avoir la manette dorée. C'est moi. Mais j'ai pas pu te le donner physiquement parce que c'est du contenu digital. Il l'a downloadé illégalement. Non, en fait, je vais le payer pour lui. Je veux qu'il joue à ça, puis ça me dérange pas. Oh. Tu vas jouer à Gemini Rue. le jeu que j'ai parlé dans mon actualité cette semaine, le point and click. Il passe son iPad pendant deux semaines. Non, en fait, il l'a sur PC aussi. Fait que c'est pour ça que je disais, je vais te le donner à toi ou à lui. Sur Steam, pis... quoi? Ou... Non, c'est carrément à part, ils le vendent. C'est Wadder. C'est les jeux. Mais c'est dans des nouvelles, Jet tu l'as aimé? Games. Moi, j'aime ça, honnêtement. J'ai pas fini encore. Puis je veux que tu joues. Parce que les point and click, c'est vintage, tu vas l'apprécier. Puis si tu l'aimes pas, ben, just too bad. Wow, ok. Fait que tu vas jouer à ça cette semaine. Je suis game pour des point and click. Puis. Mais tu vas voir, sans joke, c'est parce que c'est un jeu à 10$, là, mais c'est surprenant. Moi, j'ai resté vraiment surpris. D'un, qu'il y a encore du monde qui fasse des point and click en 2000. C'est sorti en 2013, en fait. L'original sur Windows dans le était bon en vieux 2011, temps. En février. Puis sur iOS, il est sorti le 11 avril 2013. Puis, ok, ben on va figurer ça, mais moi je suis down pour l'essayer. Tu n'as même pas besoin de l'acheter. Là, non, non, non, mais regarde, on va faire les choses je comme il faut. Je te dois encore pour Aquaman. Puis, ouais, non, en fait, tu me dois absolument rien pour Aquaman, à part le coup de poing sur la gueule. Mais, fait que tu vas jouer à Gemini Rue, puis j'ai hâte d'entendre ce que tu vas en penser, parce qu'on a joué un peu à Day of the Tentacle ensemble, on a revu des vieux classiques du point and click. Puis j'ai hâte de voir ce que tu vas passer de ça. C'est spécial et weird que tu veux faire comme Manada. Il est pas nécessairement weird. Je trouve juste que c'est que. Qu'est-ce qui est weird? C'est-tu weird comme Uzumaki? Non. Ce qui est, la seule affaire que je trouve weird là-dedans, c'est que. Personne n'est capable de prononcer le nom. En 2011 ou en 2013, c'est le genre de jeu que. Tu sais, oui, Telltale Games est en train d'en refaire avec du 3D et des affaires d'arrêt. Ça, c'est même pas en 3D puis ils s'en foutent. C'est du graphique quand même correct basé sur ce temps-là. Mais c'est les contrôles, l'histoire, le voice-over. Cool. Pis l'ambiance et le fun. Ça m'a fait penser un peu à un Blade Runner. Pis c'est vraiment cool. Fait que j'ai hâte que tu l'essayes. Snatcher? Ouais, un peu. Oh, mais ben là, tu me gâtes. Mais t'es pas une police, par exemple. Mais c'est okay. Parce que t'as deux personnages mieux. Que tu Snatcher joues en plus. Snatcher fait par Hideo Kojima. Je vais juste dire ça de même. C'était bon, Snatcher. Fait que dans le fond, ça va être ta manette dorée. On va cool. Te remettre ça. Fait que j'ai une autre question pour Michel. DC ou Marvel, puis pourquoi? Puis pourquoi? T'es vraiment sneaky, hein? T'es comme le ninja. Non! Je vais t'accorder la question pour l'effort. Mais on va le faire en onde. Ouais, on va le faire en onde, mais rapide. Un mot. Présentement, Marvel, mais c'est à cause de c'est qui est pour. Ah, ok. C'est pas à cause de rien d'autre. C'est une très bonne ça réponse. Fait donc, présentement Marvel, mais dans 6 ans, ça sera. Une chance qu'il a rajouté le et pourquoi, parce que sinon, ça fait comme bang. Oh shit, ok. Marvel. Marvel, fini. On en parle plus. Moi, je suis de même. Pourquoi Marvel, ta gueule? C'est correct. T'as dérapé ces questions aujourd'hui, je me disais, je te suis bien allé à fond. Non, c'est pas vrai. C'est bien correct. J'aime à fond, bien la Batman. Case. Michel, merci infiniment de t'être déplacé pour venir. Sérieux, vraiment cool. C'est avec vous autres, vraiment cool. Merci encore tout le monde. Une belle perspective que tu nous as apportée à propos d'une industrie, justement, qu'on a tendance à voir avec des yeux. En anglais, comme ils disent, take for granted. Ouais, exactement. Puis regarde, un gros merci d'être venu avec nous autres. Bien important de vous rappeler, on va être à Ottawa Comic Con à partir du 10 mai. On va faire de la couverture les soirs en direct. On va être sur le Twitch. On va faire des podcasts. Le samedi soir dans le market. On va aller se promener dans le market. Je pense qu'Eric veut vraiment aller dans le market à ce moment-là. Ben, il va y avoir un épisode là, chaque soir qu'on va lâcher de l'hôtel. Puis, exactement. Si tout va bien dans le char aussi. Puis... On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. On vous invite également à aller regarder, c'est Jesus... JesusMonkeyPants.com Space Monkey Pants? Jesus Monkey Pants. Space Jesus Monkey Pants. Non. Attention. Oh, oh, oh. JesusMonkeyPants.com JesusMonkeyPants.com Oh, excellent. C'est assez clair, merci. Si tu ne trouves pas après ça, là. On va mettre le lien sur la page du collectif en sur plus. Facebook que vous devriez aller suivre pour avoir toutes les nouvelles importantes, les photos. Surtout, on va être à Comic-Con, fait que là, vous allez avoir des beaux, plein de des photos beaux paysages d'Ottawa. Moi, avec des filles en cosplay. Moi, avec une Milter robe des filles en cosplay. Mais avec des gars aussi. Il y a des beaux costumes de gars. C'est ça, Milter avec des gars en cosplay. vous allez avoir beaucoup de contenu exclusif. On vous invite à nous suivre. Sinon, vous pouvez nous suivre via Twitter sur le @geekcollectif. Mon nom est André Paquette, comme à toi et maudite semaine puis tous les épisodes. Hein? C'est quoi ton Twitter? Mon Twitter, c'est Uzumaki, comme l'excellent film. Donc, Uzumaki QC pour Québec, parce que je ne suis pas coréen. Oh. Montréalien, @Montréalien, Montréal IEN, parce que j'étais un freak de l'Ontario comme extraterrestre à Montréal. Ouais. C'est bien, c'est bien. Johnny Tabarnak. Avec un K? Avec un K. Y a-tu un commercial avant, toi, avec? Oh, ouais. Ouais, okay. Good, toi? At Zombie Milter. Merci. Anciennement, at Milter 187, mais il marche plus, celui-là. Fait qu'utilisez vraiment at Zombie Milter. OK. Un mot. Merci pour l'information. Ouais, actif, non, qui est actif sur Musique Plus. C'est mon historique. Ouais, ouais, je passe souvent à Musique Plus. Du beef avec Mike Gauthier. Pas du beef. Moi puis Mike, on discute de l'avenir de Metallica. Chamé, chamé. C'est bien, c'est bien. Ouais. Puis... discussion sérieuse. Ben, at la grande geek, G33K sur Twitter. Parce que t'es grande pour de vrai. Là. Ouais, c'est pour ça que je l'ai. C'est pour ça que j'ai écrit la grande geek parce que c'est vrai que je suis grande. C'est vrai qu'elle est grande. Tout le monde se fait un plaisir de me le rappeler à chaque fois qu'il me voit. T'es bien grande! Donc. Je fais ça, moi? Non. J'ai-tu te regardé? Non, j'ai peut-être louché, excuse. Mais. T'as dit tout le monde. Mais la plupart des gens qui me font remarquer que je suis grande et que je n'avais pas déjà remarqué, mais bon. Ça pour dire que. Moi, je dis la même chose pour ma bédaine. J'avais pas remarqué. Tu dis à ta bédaine, t'es bien grande. C'est ça. T'es bien grande. J'ai remarqué que j'ai la bédaine. Michel, est-ce qu'on se risque de te demander ton Twitter? Ou... C'est Michel Lacombe. C'est plate, simple hein? De même. Non, c'est... j'aime ça de même, moi. C'est un forward collé. Thinker. Il a vu Twitter puis il a dit « Own that bitch ». J'ai vu Twitter puis j'ai fait « Oh my God, l'animateur de radio, c'est pas encore que Twitter existe. Faut que je me dépêche. » Yes! Excellent. Lui, donc... il a sûrement mis une petite barre entre les dents ou quelque chose. Le gars, il s'est logué puis il a fait « Ah, qui c'est qui est allé prendre le nom collé, là? » Pour y vendre plus tard, t'sais. Good. Merci beaucoup d'être avec nous comme à l'habitude. Épisode 16, on se revoit dans une semaine. Dans une semaine environ, parce que là on brise le contenu avec le Comic-Con. Bye. Merci de nous suivre. À la prochaine. Ciao. Bye. Regardez The Host.